radiodiffusion française et la Société des comédiens français vous présentent leur matinée classique, au cours de laquelle vous pourrez entendre Les Sept contre Thèbes d'Eschyle, dans une adaptation nouvelle de M. François Deroux, et La Petite Ville, comédie en quatre actes de Louis-Benoît Picard, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Voici quelle sera la distribution des Sept contre Thèbes. Messieurs André Falcon, Étéocle, Jean Davy, Le Messager, Raoul Henry, Georges Vitray, François Vibert, Le Cœur des Vieillards, Jacques Clancy, Jean-Louis Gemma, Roland Alexandre, Le Cœur des Adolescents, Mademoiselle Renéfort, La Jeune Fille, Denise Noël, Christiane Carpentier, Geneviève Martinet, Eliane Bertrand, Le Cœur des Jeunes Filles. Monsieur François Deroux fait précéder la tragédie d'Eschyle d'un prologue qui rappelle la malédiction qui pèse sur la famille d'Édipe et les malheurs qui l'ont suivi. L'agora de Thèbes, sur un tertre, statue des dieux. Au fond, vue sur la campagne et les remparts. Les adolescents regardent vers les remparts. Les vieillards sont groupés. Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? On devine des leveurs, mais le soleil qui brille sur les remparts éteint leur éclat. De hautes fusées montent vers le ciel. Nos soldats sont massés près des tours. On entend des bruits lointains. Distinguez-vous quelque chose de ce qui se passe chez l'ennemi? On ne voit pas au-delà des remparts. Les rumeurs des deux armées se confondent. Et le ciel au-delà de la ville est le même ciel bleu qui couronne Thèbes, notre cité. Les adolescents reviennent vers les vieillards. Poligny s'attaquera-t-il sa patrie? Il veut se venger des Théocles qu'il a haineusement chassé d'ici. On ne se venge pas sur la terre maternelle. Pourquoi aussi Édipe, maudissant ses deux fils, leur a-t-il prédit qu'ils se partageraient les biens paternels en combattant l'un contre l'autre? Et Théocle et Polynice l'avaient gravement outragé. Mais en lançant contre eux l'imprécation qui a déchaîné la terrible Érinie, il a commis l'acte d'un furieux et il a sacrifié sa patrie à sa colère. Édipe était une victime. Les hommes provoquent les peines dont ils sont frappés par les dieux. Au carrefour de Potniès, Édipe assassine un inconnu. Puis, pour monter sur le trône de Thèbes, il épouse Jocaste, veuve du roi Laios. Un oracle l'avait pourtant averti qu'il tuerait son père et qu'il deviendrait l'époux de sa mère. Il ne savait pas que l'inconnu du carrefour de Potniès était Laios. Et il ne savait pas davantage qu'il était le fils de Laios et de Jocaste. Il ne savait pas. Mais un jour, il découvre que cet inceste et ce parricide, il les a commis. Quand Étéocle et Polynice, les deux fils nés de son union avec Jocaste, sont déjà en âge de lui succéder. Et aussitôt, les conséquences l'accablent. Jocaste se pend. Lui-même se crève les yeux. Il est détrôné par ses fils. Puis, après avoir lancé contre eux l'anathème meurtrier, il descend chez les morts. Étéocle chasse Polynice de Thèbes. Polynice s'enfuit à Argos et devient le gendre d'Adraste. Pour soutenir ses droits au trône d'Édipe, il décide son beau-père à lever une armée. Et cette armée est maintenant aux portes de la ville. Mais Laios, assassiné par son fils Édipe au carrefour de Potniès, n'avait pas mérité, lui, la colère des dieux. Et par trois fois, Apollon lui avait ordonné de renoncer à l'espoir d'une dynastie. Et pourtant, sa femme Jocaste est devenue mère. Édipe est né. Laios, Édipe et Théocle. La colère des dieux poursuit la race de nos rois. Voici Théocle. Quand une tempête atteint la nef où est embarqué son peuple, le chef doit tenir solidement la barre en main, ni jour ni nuit ne quitter des yeux le gouvernail, et si le sommeil finit par l'accabler, ne pas laisser le sommeil incliner ses paupières. Mais tandis que le danger augmente, vient un moment où le chef doit prévenir les siens de ce que l'heure exige. En effet, si l'on passe le cap, si le succès couronne les efforts du chef, aux dieux tout le mérite. Si au contraire arrive la catastrophe, que Zeus en préserve notre cité, des milliers de bouches répètent un seul nom pour le maudire, celui du chef. En ce cas, vos plaintes et vos reproches ne viseraient que moi, mon nom seul courrait la ville, au rythme de vos lamentations, et Théocle, et Théocle. Savez-vous ce que la patrie, à cette heure, est en droit de vous demander? Il faut que tout le monde aille au rempart, rejoindre les combattants. Tout le monde, vous entendez? Même vous, les adolescents, qui avez à peine quitté l'enfance, et encore dans votre verte saison, attendez que l'épanouissement de la jeunesse vous donne la plénitude de votre force. Même vous, les vieillards, que la jeunesse et sa puissance ont fui avec l'âge. Tous, gonflez vos muscles, encore débiles ou déjà délabrés, afin d'en multiplier la faible vigueur. Tous, portez secours à la patrie que les ennemis veulent réduire, pour que notre cité soit sauvée, pour que soient sauvés les autels de nos dieux nationaux et leur culte à jamais soutenu, pour que soit sauvée la terre maternelle qui fut pour vous la plus tendre des nourrices, alors que tout enfant, vous vous traîniez sur son sol généreux et en retiriez votre subsistance. Elle déjà se préparait à faire de vous des citoyens armés de boucliers dont elle a besoin aujourd'hui pour être défendue. Sans doute, jusqu'ici, les dieux ont été avec nous. Depuis que Thèbes est assiégée, nous avons gardé l'avantage. Mais aujourd'hui, le devin, maître des présages et père des augures, celui dont l'oreille perçoit et comprend le chant des oiseaux sacrés, Tirésias, qui ne s'est jamais trompé, annonce qu'une gigantesque attaque argienne va être sournoisement lancée contre notre ville. L'heure qui fixera le sort de tous sonnera donc bientôt. Elle doit vous trouver au créneau. Allez garnir les parapets, allez occuper les terrasses des tours, allez garder les issues des sept portes. Que tout le monde fasse son devoir, et les dieux, j'en suis sûr, ne nous abandonneront pas. Ils nous donneront la victoire, aussi nombreux que soient nos envahisseurs. Et Théocle, notre roi! J'arrive directement des lignes ennemies où tu m'as envoyé pour espionner. J'ai vu de mes yeux les choses que je rapporte. Sept chefs argiens, héros farouches, viennent d'immoler un taureau sur un noir bouclier. Et les mains levées au-dessus du corps et ventrées ruisselant de leurs victimes, ils ont juré par Arès, par Bellone et par la terreur qui est folle de carnage, ou d'abattre et de saccager Thèbes, ou s'ils ne le peuvent, de mourir en mêlant leur sang à la terre de notre sol. Ensuite, pour leurs familles restées au pays, ils ont, en pleurant, accroché des souvenirs au char du roi Adraste, certains que le char de leur roi reverrait Argos, puisque c'est un coursier divin qu'ils traînent. Ils pleuraient, mais aucune plainte ne s'est échappée de leurs lèvres. Je les ai laissés au moment où ils tiraient au sort afin de savoir à quelle porte chacun conduirait sa phalange pour l'attaque. Une folle ardeur illuminait leurs yeux sombres. On eût dit des lions fumants excités par le prochain carnage. Roi, tu es prévenu. Les soldats d'Argos vont faire tournoyer la poussière de nos chemins en même temps que nos champs sacrés seront souillés par l'écume blanche que bavent leurs montures. Déjà gronde la houle guerrière. Saisis pour agir l'occasion la plus prompte avant que ne se déchaîne l'ouragan. Moi, je retourne à mon poste afin de pouvoir te renseigner au fur et à mesure sur ce qui se passe hors des murs. Zeus, et vous, dieu de Thèbes, et vous aussi, terrible Érinie, exécutrice de la malédiction paternelle, quel que soit mon destin, épargnez du moins ma patrie. N'arrachez pas du sol avec ses fondements une cité où dans chaque foyer on parle le vrai langage de la Grèce. Ne courbez point sous le joug de l'esclavage étranger une ville libre. N'oubliez pas que seule une cité prospère peut honorer ses dieux. Sauvez Thèbes! Il sort suivi des vieillards et des adolescents. Contre nous. Le flot innombrable. Le flot sans fin des cavaliers ennemis. Il approche en grondant tel un torrent invisible dévale et bat le flanc de la montagne. Les sabots de leurs chevaux martèlent et fracassent le sol de notre pays. Leur presse. Il nous faut tomber à genoux en gémissant devant la statue de nos dieux. Écoutez, une clameur passe par-dessus nos murs. Entendez-vous ou n'entendez-vous pas le fracas des boucliers? L'heure d'innombrables javelines. Supplions, supplions nos dieux. Elles entourent les statues des dieux. Divinité de Thèbes, accourez toutes. Voyez et écoutez une troupe suppliante de vierges que l'idée de devenir esclave terrifie. Autour de leur cité bouillonne une vague frémissante de guerriers poussés par le vent d'Arès. Les Argiens enserrent notre ville. Ils avancent vers nos sept portes. L'effroi glace mes veines. L'effroi des armes homicides. Entendez-vous les morts qui sonnent entre les mâchoires des chevaux, un glas de massacre? Elle se rassemble au pied de la statue d'Arès. Arès, dieu de la guerre, toi qui as jadis donné ta fille Harmonie au fondateur de Thèbes, trahiras-tu ton antique domaine? Arès, dieu au casque d'or, jette un regard sur la ville à qui jadis tu as donné ton amour. Elle se prosterne devant la statue de Zeus. Oh Zeus, père si puissant que sans ton consentement jamais rien ne s'achève, écarte à jamais de nous les ravisseurs ennemis. Il se relève et court à la statue de Pallas. Et toi, fille de Zeus, Pallas, héroïque guerrière, sois le salut de la cité. Elle vend la statue de Poséidon. Poséidon, dieu cavalier qui commande aux océans, délivre-nous de nos terreurs. Arès, Arès, veille sur notre cité. Sois son allié par les armes comme tu l'es par le sang, toi qui engendras Harmonie, notre mère. Aphrodite, déesse qui mise au monde Harmonie, aïeule de notre race, toi aussi protège-nous. C'est ton sang qui coule dans nos veines, Arès. C'est ton sang qui coule dans nos veines, Aphrodite. Sauvez vos enfants qui vous appellent en gémissant. Écoutez le roulement des chars tout autour de la ville. Entendez les essieux qui crient sous le poids des guerriers. Les javelines ébranlent les nues. Des grêles de pierre frappent nos créneaux. Quel est donc le destin de Thèbes? Où le ciel la conduit-il à la fin? Si vous ne trouvez rien de mieux à faire en ce moment pour servir et sauver Thèbes que de vous jeter sur les statues de nos dieux tutélaires en poussant des cris frénétiques, de ces hurlements de femmes qui font horreur à tous les gens sensés. Et avant de venir ici, échevelés et folles, vous parcouriez les rues de la ville, décourageant ceux que vous rencontriez, semant la peur dans chacune des maisons où vous vous arrêtiez. Ah, dans la prospérité comme dans la détresse, que toujours le ciel me garde des femmes. Loin du danger, vous devenez d'une insupportable présomption. Dans le péril, vous êtes le premier fléau de votre famille et de votre cité. Vraiment, nos ennemis vous devront un fameux renfort. Tandis qu'ils assiègent notre ville, à l'intérieur de nos murs, vous travaillez à nous détruire. Que peut-on gagner à avoir des femmes avec soi? Mais dorénavant, je l'ai décidé. Quiconque, qu'il soit homme ou femme, n'obéira pas strictement à mes ordres, sera condamné à être lapidé. Et il n'échappera pas, c'est moi qui vous le dis, aux pierres meurtrières du peuple. Sachez d'ailleurs que ce qui se fait en dehors de la maison ne regarde que les hommes. Les femmes n'ont pas à s'en mêler. Pour cesser de nuire, restez chez vous. Est-ce que vous m'entendez? Vous parlez, j'allais sourde. Roi bien-aimé, l'épouvante nous a saisis quand nous avons entendu le roulement fracassant des chars ennemis, le grincement des essieux ébranlant les roues et ce bruit terrible des morts et des chaînes que secoue la bouche des coursiers. Est-ce en s'agitant de la poupe à la proue qu'un marin trouve la manœuvre qui sauvera son navire attaqué par la tempête? Non, mais... au premier grondement de l'avalanche meurtrière qui dévalait contre les portes de la ville, l'effroi nous a jetés aux pieds de nos dieux. Confiantes dans le ciel, nous avons entouré leurs vieilles statues pour les supplier de secourir Thèbes. Une seule prière peut être adressée aux dieux en ce moment. Que nos soldats repoussent l'armée ennemie. Car si notre ville était prise, les dieux déserteraient notre ville. Oh, que jamais de ma vie je ne vois Thèbes abandonner des divinités réunies ici. Que jamais de ma vie je ne vois notre cité foulée et saccagée par des soldats argiens tenant dans leurs mains la torche incendiaire. Invoquez les dieux, mais sachez vous conduire. La discipline seule assure le succès et le salut. Voilà la vérité. Des dieux, pourtant, la puissance est autrement grande. Quand l'homme ne peut plus rien pour lui-même et qu'un brouillard fatal trouble déjà son regard, souvent la puissance divine lui vient alors en aide, le relève et le guérit. À l'approche de l'ennemi, c'est aux hommes d'interroger la divinité. Votre rôle à vous, femme, est de vous taire et de rester dans vos maisons. Si nous vivons dans une cité invaincue, si nos remparts nous protègent encore contre les hordes argiennes, ne le devons-nous pas aux dieux? Quelle jalouse inquiétude te pousse donc à prendre ombrage de nos prières. Encore une fois, je ne vous empêche pas d'honorer les dieux, mais je vous interdis de provoquer le découragement dans la ville. Calmez vos alarmes ou retenez votre peur. Oh, j'entends maintenant ennir les chevaux. Fais comme si tu ne les entendais pas. L'ennemi presse nos remparts et Thèbes gémit du plus profond de son sol. Je suis là pour prendre les mesures nécessaires. Le bruit redouble aux portes, je frémis. L'épouvante nous étreint. Vos cris sont entendus de la ville entière, je vous prie de vous taire. Dieux assemblés, ne cessez pas de protéger nos remparts. Malheureuse, ne pouvez-vous trembler en silence? Divinité de Thèbes, gardez-nous de devenir esclaves. À cause de vos cris démoralisants, nous risquons de devenir tous esclaves. Zeus tout-puissant, nous t'en supplions. Oh Zeus, qu'as-tu fait en créant la femme? Un être misérable aussi bien que l'homme quand sa patrie succombe. Toujours des paroles de découragement. Tremblante, hors de moi, est-ce que je sais ce que je dis? Alors tais-toi! Et tu cesseras de semer la panique autour de toi. Je me tais. J'accepte le sort commun. Enfin une parole de sagesse. Je la retiens et je te laisse toutes celles que tu as prononcées auparavant. Maintenant, écoutez mon vœu à moi. Devant les dieux, maîtres de notre pays, gardiens de nos campagnes et de notre cité, sur la source sainte de Dirké, sur les eaux de l'Ismenos, je jure que si nous sommes vainqueurs, si Thèbes est sauvée, pour célébrer notre victoire, je ferai rougir les autels divins du sang des brebis, et j'offrirai aux dieux les dépouilles sanglantes de nos ennemis. Je ferai pendre ces dépouilles aux murs de leur sanctuaire. Au lieu de gémir vainement, de pousser des hurlements sauvages qui ne vous feront pas échapper au destin, répondez à mon vœu par ces chants rituels dont les Grecs ont coutume d'accompagner les sacrifices. Vous donnerez confiance aux nôtres et vous aiderez à chasser de leur cœur la crainte de l'ennemi. Et Théocle est sorti. Je voudrais bien lui obéir, mais l'effroi fait battre trop fort mon cœur. L'angoisse qui étreint mon âme la gonfle d'épouvante. J'ai peur de l'armée qui entoure nos murs. Comme la colombe, anxieuse dans son faible nid, redoute pour sa couvée le dragon aux étreintes de mort. Déjà une foule de soldats ennemis marche vers nous. Qu'allons-nous devenir? Contre la ville qu'il cerne, il lance des pierres tranchantes. Enfant de Zeus! Oh Dieu, secourez tous le peuple de Thèbes. Secourez le peuple de Thèbes. Dans quelle contrée plus riche et plus belle que la nôtre fixeriez-vous votre demeure? Si le sol thébain livré à l'ennemi, vous étiez obligé de déserter ce pays aux terres profondes, arrosé par Dirké, source nourricière que le maître des mers infinies, Poséidon, et les océanides nymphes des eaux ont fait jaillir pour nous. Divinité tutélaire de Thèbes, accablez ceux qui nous assiègent. Perdez-les en les rendant lâches, récipitez-les dans l'égarement qui leur fera jeter leurs armes avant de combattre. Demeurez fidèles à nos sanctuaires. Amis, voici l'éclaireur de l'armée. Si j'en juge par la précipitation avec laquelle il accourt, son nouveau message doit être important. Et voici Éthéocle, avide à n'en pas douter d'entendre son envoyé, car il se hâte lui aussi. Il presse le pas comme s'il n'était pas le roi. Je puis t'indiquer, car je les connais exactement, les dispositions de l'armée ennemie. Je sais quel chef le sort a désigné pour conduire l'attaque à chacune de nos 7 portes. Face à la première, la porte Proïtide. Tidée est si impatient de combattre qu'il ne se possède plus. Pareil à un serpent sifflant sous le soleil ardent, il insulte le divin Amphiaraos parce que celui-ci, en raison de présages défavorables, l'empêche de franchir tout de suite l'Ismenos. Il accuse le docte-fils d'Oïclée d'être lâche et de chercher à amadouer la mort. Sa fureur fait frémir 3 aigrettes volumineuses perchées sur son casque. Elle ébranle en même temps des clochettes de bronze fixées à son bouclier qui sonnent alors l'épouvante. Et quel blason charge encore l'armure de Tidée ? Un ciel étoilé, avec au centre, brillant en son plein, la reine des astres, l'œil de la nuit, la lune. Un harnois aussi insolent trahit l'orgueil féroce de celui qu'il porte en hurlant sur la berge du fleuve son impatience de combattre. Tel un coursier crache sa fureur sur son frein et le ronge tout fumant jusqu'à ce qu'il entende enfin le son de la trompette qui ordonne le départ. Quel guerrier saura résister à Tidée quand il voudra prendre l'assaut à la porte de Proïtos? L'armure d'un soldat n'est rien qui m'épouvante, moi. Il n'est pas de blason qui fasse de blessure. Il n'est ni aigrette ni cloche qui puisse tuer sans le secours d'une lance. Quant à la nuit resplendissante peinte sur le bouclier de cet homme, à qui annonce-t-elle un destin funeste? Qu'elle voile bientôt les yeux mourants de celui dont elle orne l'écu, Et c'est à celui-là que devra s'appliquer l'oracle qu'elle signifie. La nuit de la mort qu'il appelle sur les autres pourrait bien être son lot à lui, Tidée. Je lui opposerai un preux, Mélanippe, fils d'Astacos. D'une race antique, qu'il vénère l'honneur et aborde les propos présomptueux. Il ignore toutes les vilnies comme toutes les lâchetés. Et c'est un vrai Thébain, fils de la terre thébaine. Pour écarter de cette terre maternelle les lents ennemis, Mélanippe est désigné par les véritables droits du sang. Arès, qui tient en ses mains le sort du combat, le sait. Qu'Arès fasse triompher Mélanippe. Mais je tremble en songeant que peuvent mourir ceux qui défendent leur terre maternelle. La porte d'Électre ensuite est échue à Capanée, plus terrible encore que Tidée. Son audace n'est pas d'un mortel. Il adresse à notre ville d'alarmantes menaces. Il affirme, le veuille ou non les dieux, qu'il détruira Thèbes et que Zeus lui-même, descendu sur la terre pour l'en empêcher, ne l'arrêtera pas. Il prétend que les éclairs et le tonnerre ne sont pas pour lui plus redoutables que les ardeurs de midi. Il a pour blason un homme nu, tenant une torche flambante, et sa devise, écrite en lettres d'or, proclame « J'incendierai la ville ». Qui pourra sans effroi affronter un pareil guerrier? Il nous donne déjà un avantage. Les discours de ceux que trouble un orgueil démesuré les accusent terriblement. Une arrogance sans égale, Capanée menace, se disant prêt à tout oser et méprisant les dieux, il défie Zeus. Eh bien je pense, moi, que Zeus, en réponse à ses discours, lui enverra la foudre qu'il affecte de mépriser et dont le feu ne sera nullement comparable au rayon du soleil le plus chaud. Et parmi les hommes, il aura déjà contre lui un soldat au courage ardent, à la volonté de fer, un guerrier éprouvé qui ne provoque pas les dieux, lui, et que les dieux protégeront. Je veux parler du valeureux Polyphonte. Mais dis-moi, quels chefs sont désignés pour les autres portes? Mort à qui sur Thèbes appelle les désastres. Oh Zeus, foudroie celui qui veut nous détruire. Celui dont le nom est sorti troisième du casque d'airain est Téoclos. Il attaquera la porte Néiste. Sa main retient à peine deux coursiers frémissants sous la bride. Pour tromper leur ardeur, il les oblige à tourner en rond et on entend à travers leur muselière un bruit barbare mêlé au souffle arrogant de leurs naseaux. Le bouclier des Téoclos porte un emblème figuré qui est loin d'être modeste. Un guerrier gravit les degrés d'une échelle appliquée contre une tour qu'il veut prendre d'assaut. Les mots qui sortent de sa bouche sont les suivants. Arès lui-même ne me repousserait pas. Il faut envoyer contre cet assaillant quelqu'un qui sache lui répondre. J'enverrai Mégaré, fils de Créon, qui ne place pas son arrogance sur ses lèvres, celui-là, mais dans ses poings, et qui ne se laisse pas effrayer par le hennissement des cavales. Il saura, s'il le faut, payer en mourant sa dette au sol nourricier. Si au contraire, comme je l'espère, il maîtrise les deux guerriers, celui qui est peint sur le bouclier et l'autre qui porte le bouclier, il aura un beau trophée pour orner la maison de son père. Puissent triompher les défenseurs de nos foyers, puissent succomber ceux qui veulent s'élancer dans nos demeures et de leurs mains avides nous chasser hors de nos chambres virginales. La quatrième porte voisine du sanctuaire de la déesse Athéna Onca sera attaquée par Hippomédon. Il s'y précipite déjà, c'est un géant. Comment ne frémirait-on pas quand devant vous il fait tournoyer son bouclier, un bouclier immense qui, certes, n'a pas été décoré par un artisan vulgaire. On y voit Typhée, fils de la terre et père des monstres, dont la bouche vomit une fumée noirâtre qui tourbillonne. Tout autour et jusque sur les bords de l'écu courent des serpents gravés en relief dans le métal. Ainsi harnaché le géant Hippomédon, que transporte le souffle d'Arès, crie férocement et avec des yeux qui sèment l'épouvante, appelle le combat. Il ne faut pas mépriser un tel homme. La panique déjà le précède à la quatrième porte. Oui, mais d'abord la déesse Athéna Onca, qui demeure près de la quatrième porte, irritée de tant de démesures, défendra sa couvée contre cet homme venimeux. Et puis, j'ai choisi pour l'opposer à Hippomédon un héros à sa taille, Hyperbios, qui le moment venu saura courir vaillamment sa chance, car il ne le cède à son rival ni en vigueur ni en courage. Hermès les a d'ailleurs à parier, l'un à l'autre ennemi, ils feront s'entrechoquer dans la bataille les dieux ennemis qu'ils portent sur leurs boucliers. Si Hippomédon a Typhée vomissant la flamme, Hyperbios a Zeus assis sur son trône, la foudre à la main. Zeus a-t-il jamais été vaincu? Que devant nos remparts vienne s'abattre le front contre terre, celui qui oppose à Zeus, père des dieux, Typhée, l'adversaire du ciel. Je passe maintenant au chef que le sort a désigné pour combattre à la porte du nord. C'est Parthénopée, l'Arcadien. Il jure par la javeline qu'il tient serrée dans son poing et qui lui est plus sacré que les dieux, plus cher que sa vie, qu'en dépit de Zeus, il ravagera la cité Cadméon. À peine l'épais duvet de l'adolescence commence-t-il à percer ses joues. Mais cet homme enfant au visage de fille n'a pas le cœur d'une vierge. Comme les autres, il s'approche d'un œil farouche et la bravade aux lèvres. Sur le bouclier qui protège son jeune corps se détache éclatante celle qui fut le fléau de Thèbes, la sphinx, mangeuse de chair crue. Elle tient dans ses griffes un thébain afin d'attirer sur lui le plus de traits qu'il se pourra. Bien que né d'une mère montagnarde, loin de la cité argienne, Parthénope entend payer sa dette à Argos qui la nourrit et, Ce n'est pas pour combattre mollement qu'il est venu devant nos portes. Ah, si les dieux leur accordaient le sort qu'ils méritent, avec leur arrogance impie, ils périraient tous misérablement. À l'Arcadien dont tu parles, j'oppose encore un guerrier sans jactance, mais qui sait agir, et qui en a la force. Actos ne permettra pas que l'on vienne nous insulter à l'intérieur de nos remparts. Et pas davantage que celui qui brandit sur un bouclier ennemi l'image abhorrée d'une bête monstrueuse franchisse la cinquième porte de la ville. Mais lorsqu'au pied de nos murailles, la sphinx sera percée le cou, elle ne pourra accuser que celui qui l'a portée et l'a laissée mettre en lambeaux. Si les dieux le veulent, j'aurai dit vrai. Mes cheveux d'horreur se hérissent. Les blasphèmes de nos ennemis s'enfoncent dans ma poitrine. Ah, les blasphémateurs, que le ciel les anéantisse ici! Le sixième chef, placé devant la porte de Moloïs, est le devin Amphiaraos, un sage et un brave. Il interpelle ton frère Polynis. Quel exploit agréable au ciel, glorieux et mémorable à jamais, lui dit-il, que de détruire avec une armée étrangère son propre pays, ainsi que le temple de ses dieux! Est-il un grief qui permette de verser le sang maternel? Et crois-tu que ta patrie, livrée par toi, puisse jamais ensuite accepter ton pouvoir? Pour moi, je le sais, je ne survivrai pas à la prochaine bataille. Devin caché dans cette terre ennemie, mon corps engraissera ses sillons. Combattons ! Le trépas que j'attends ne sera pas sans gloire. Ainsi parle Amphiaraos, qui porte un bouclier d'airain massif sur lequel aucun emblème n'est gravé, car cet homme dont la sagesse fait germer les plus nobles desseins ne veut pas paraître un héros, il veut l'être. Il faut lui envoyer un adversaire sans peur et sans reproche. Redoutable est celui qui... que les dieux inspirent. Quel présage que le rapprochement de ce juste et de ces misérables. Rien de plus funeste que de mauvais compagnons. C'est dans un tel champ que moissonne la mort. Qu'un homme pieux s'embarque avec des marins criminels. Il sombrera avec eux le jour où les dieux puniront leurs crimes. Le harpon divin ne distingue pas. Celui qui se mêle aux mécréants est pris dans le même coup de filet qui venge le ciel. Ainsi, Amphiaraos, en accompagnant des impies ou langage téméraire, s'est sans doute engagé dans un chemin sans retour. Je crois qu'il n'attaquera même pas nos portes. Non qu'il soit lâche, mais comme tu viens de le rapporter, il dit savoir qu'il tombera dans la bataille. Quoi qu'il arrive, il trouvera en face de lui un puissant adversaire. L'Astène, qui allie la prudence d'un vieillard à l'ardeur d'un jeune homme, et qui a l'œil agile, autant que le bras prompt à toucher de sa javeline le flanc que le bouclier découvre. Mais les dieux décideront du combat. Que les dieux entendent nos justes prières, donnant à Thèbes le succès, qu'il fasse retomber tous les maux de la guerre sur nos envahisseurs. Qu'au-delà de nos murs, Zeus les foudroie. Il me faut maintenant nommer le chef qui est devant la septième porte. Ton propre frère, Polynis. Il me faut aussi dire quelle imprécation il lance contre toi. Il veut, après avoir escaladé et franchi nos murs, après s'être vu proclamé vainqueur et avoir chanté ici l'hymne de la victoire, se mesurer avec toi qu'il a privé de ses droits pour te tuer et recevoir la mort de ta main, ou du moins, si tu lui échappes, tenir sûrement sa vengeance, puisque dans ce cas, tu serais obligé de te jeter hors de la ville et de subir à ton tour un exil déshonorant. Polynis a adopté le bouclier rond des Argiens. Celui qu'il porte a été forgé tout récemment. Deux figures y sont représentées. Un guerrier en or ciselé et une femme au front serein qui guide le guerrier en le tenant par la main. Je suis la justice, prétend celle-ci, suivant les lettres de la devise placée près d'elle. Et je ramènerai cet homme dans sa patrie que je lui rendrai, ainsi que l'héritage de ses pères. Je t'ai indiqué très exactement l'ordre de bataille de l'ennemi. Tu ne pourras rien reprendre à mon rapport. J'ai fait mon devoir d'éclaireur fidèle. À toi maintenant de choisir le chef que tu enverras contre Polynis et de conduire la guerre. Oh, race haïe des dieux, race des dieux, ma race. Voici que s'accomplissent les malédictions d'un père. Mais ne faisons pas renaître d'insupportables lamentations. Étouffons plaintes et larmes. Pour Polynis, nous saurons bientôt jusqu'à quel point se réaliseront ses ambitieuses prédictions. Et si pour le ramener sur le trône de Thèbes, il suffira de lettres d'or ciselées sur un bouclier qui ne prouve que sa fureur délirante. Si la justice, fille de Zeus, était dans son cœur et dans ses actes, elle pourrait peut-être le ramener à Thèbes. Mais ni le jour de sa naissance, ni durant son enfance, ni pendant son adolescence, ni depuis qu'il a de la barbe au menton, jamais la déesse n'a eu un seul regard pour lui. Et ce n'est pas, je pense, au moment où il ravage la terre maternelle, qu'elle peut être à ses côtés. Elle serait alors infidèle à son nom. Elle ne serait plus la justice. Le crime de mon père fait ma foi. C'est moi qui irai me mesurer avec lui. Roi contre roi, rival contre rival, frère contre frère, nous engageons le combat. Que l'on m'apporte tout de suite mes armes, ma lance, ma cuirasse. Non, vois, bien-aimé, ne va pas dans ta colère descendre jusqu'à imiter celui qui parle un langage criminel. C'est assez que les Thébains combattent les Argiens. De ce sang, au moins, on pourra se purifier. Mais la souillure d'un fratricide réciproque, il n'est pas de jour ni de nuit, il n'est pas de siècle qui puisse la laver. L'honneur est le seul bien que l'on emporte chez les morts. J'accepte le malheur sans honte. Je refuse d'être à la fois frappé et déshonoré. Quel est ce délire? Ne laisse pas la folie meurtrière remplir ton cœur. Ne te laisse pas égarer et entraîner par elle. Tranche dès son début cette funeste ardeur. Puisque les dieux eux-mêmes la précipitent, qu'elle aille donc vers son destin, la race maudite de l'Aios. Ah, comme il te mord cruellement le désir de verser ce qui reste encore d'un sens sacré. C'est que la furieuse imprécation d'un père est là, qui me poursuit. Sans une larme, l'œil sec, elle me commande de mourir promptement. Mais résiste à qui veut t'entraîner. Tu ne seras pas lâche pour avoir réussi à vivre. Et la noire Irini quittera cette maison aussitôt que les dieux auront agréé une victime offerte de tes mains. Les dieux n'agréeront de victime que ce qui reste du sang de l'Aios. Ma mort seule les apaisera. Alors pourquoi reculer devant la mort? Il le faut, aujourd'hui au moins où le destin fait rage. Il peut céder demain. En tout cas, qui te dit que peu à peu son souffle ne deviendra pas plus clément? Édipe, avec ses imprécations, a déchaîné à jamais le destin. Et elle n'était que trop vraie, les visions qui me montraient de quelle façon se partagerait l'héritage fraternel. Si dur que ce soit pour toi, écoute des femmes. Alors donne des avis que je puisse suivre. Ne va pas à la septième porte. Mon cœur a son aiguillon, tu ne l'émousseras pas. Un succès, même sans gloire, est une faveur des dieux. De telles maximes ne sont point faites pour un soldat. Tu veux verser le sang de ton frère? Les malheurs que les dieux envoient, nul ne saurait y échapper. Il sort en courant, les jeunes filles le suivent. Les jeunes filles reviennent. Je frémis, car je redoute maintenant que la déesse, si différente des autres déesses, le fléau de Thèbes, l'Irini, n'accomplisse le vœu démentiel d'Édipe. Et qu'elle ne précipite ses fils à leur perte. Ah, souffrances nouvelles qui viennent se joindre aux douleurs d'autrefois. Malheur qui ne cessait d'atteindre la maison de nos rois. Un océan amer vers nous pousse toujours ses vagues. Si l'une s'écroule, elle en découvre une autre, plus redoutable encore, qui s'élève en mugissant et bouillonne contre la poupe de notre cité. Entre les vagues et nous, il n'y a plus que la mince défense d'un médiocre rempart. Et j'ai peur que finalement Thèbes ne succombe avec ses rois. Que honteusement dévastée, réduite en cendres, elle ne devienne une proie servie par l'épée. Qu'après le massacre des hommes, toutes ces femmes, jeunes et vieilles, n'aient leur voile arrachée, ne soient traînées par les cheveux comme les cavales. Que les cris affreux des captives emmenées en esclavage ne retentissent derrière ces murs déserts. Quel destin est en train de se jouer? Ne serait-il pas effroyable qu'avant le rite sacré qui cueillera leurs tendres fleurs, les vierges de Thèbes soient, par une main odieuse, déportées sur un sol étranger? Que de malheurs verrions-nous s'abattre sur notre cité en train de succomber? On emmène les otages, on tue, on incendie. La fumée noircit toute la ville, la fureur guerrière transporte les vainqueurs qui souillent et violent. On entend des rugissements. Le filet de la mort enserre chaque maison. L'homme est massacré par l'homme. L'enfant égorgé ensanglante la mamelle qu'il suçait. Partout le rapte. Partout la poursuite. Un vainqueur aux mains pleines de butin croise un vainqueur aux mains vides qui court au pillage. Chacun veut davantage que ce qu'il peut prendre. Les rues sont jonchées de fruits et de légumes. Tous les dons de la terre dispersés roulent dans la fange en torrents inutiles. Des captives sont prises pour partager au hasard le lit d'un soldat ennemi. Elles ne serviront plus dans la douleur et la honte de leur âme qu'à enivrer le plaisir des vainqueurs. Ah, plutôt la nuit de la mort que de tels malheurs. Soyez rassurés! La ville a échappé au joug de l'esclavage. J'ai vu s'effondrer l'ennemi, son orgueil et sa puissance. Thèbes, ce navire contre lequel s'acharnaient les flots, a résisté à toutes les attaques. Ses remparts n'ont pas été entamés grâce aux guerriers courageux et forts qui défendaient nos portes. Aussi première, le succès a été complet. À la septième, hélas, c'est Apollon qui a remporté la victoire en punissant la race d'Édipe de l'ancienne faute de l'Aios. Que veux-tu dire? Quel malheur est encore notre lot? Thèbes est sauvée. Mais les rois, frères ennemis... Achève! L'angoisse nous rend folle. Apollon a frappé la descendance d'Édipe. Le malheur que nous présagions est donc accompli. Les rois, frères ennemis, tous deux dans la poussière, se sont déchirés de leurs mains fraternelles. Ils en sont venus là. Mutuellement, ils se sont donné la mort. Le même destin leur était donc réservé. Le destin a détruit une race infortunée. Et a jamais frustré du domaine qu'ils convoitaient l'un et l'autre. Ils occuperont de leur terre la place qu'en peut tenir un cadavre. Pleurons. Mais réjouissons-nous aussi, car Thèbes a triomphé! Devons-nous nous réjouir et acclamer Zeus, sauveur de notre cité, ou pleurer nos chefs de guerre, morts sans postérité dans une lutte sacrilège? Noire Erinie, toute puissante imprécation qu'Édipe a déchaînée contre sa race, tu as atteint ton but. Des soldats portent les corps d'Éthéocle et de Polynice. Derrière eux viennent les vieillards et les adolescents. Éthéocle et Polynice, les voici. Deux cadavres qui dégoûtent maintenant d'un sang fraternel. Deux lots de douleurs qui sont là, achevés. Depuis le temps où vivait Laios, aucun oracle ne s'est émoussé. Aujourd'hui seulement sont brisés les fils qui nouaient le destin de nos rois à l'ancienne faute. La faute de Laios dont le châtiment durait encore à la troisième génération. Parce que Laios, rebelle à Apollon, succomba à l'irrésistible désir d'avoir une postérité. Un délire unissait les époux en folie. Et ils engendrèrent leur propre mort. Et la mort de leur race. Mais aujourd'hui, Thèbes est sauvée. Tandis que des derniers descendants mâles de Laios, la poussière de la terre va boire le sang. L'oracle est accompli. Allons, mes amis. Que nos bras, comme de douces rames, battent le vent des sanglots. Nous accompagnerons ainsi les coups de rame qui, sur l'Achéron, poussent jusqu'à la rive ténébreuse la lourde nef aux voiles noires chargée de ses pèlerins. Dans la violence de leur cœur, ils ont partagé leur patrimoine. Leurs parts sont strictement égales. Ils ont pris possession de leur demeure paternelle, les armes à la main. Ils se sont immolés de leur main fraternelle. Renverseurs de murailles, ils ont attaqué celles de leur propre maison. Et le fer les a réconciliés. Malheureuse entre toutes les mères, celle qui les enfanta. Elle les a conçus d'un fils dont elle avait fait son époux. Et voilà comment ils ont fini. Leur haine est maintenant éteinte. Parce que leur sang mêlé, le même sang, arrose notre sol. Ils auront leur part des tristes dons du ciel, les malheureux. Leurs corps sous la terre toucheront les trésors de l'abîme. Les imprécations ont poussé le cri du triomphe, car la race de Laios a disparu dans une déroute totale. Et le trophée de la vengeance se dresse à la porte où les deux frères se frappaient tout à l'heure. Après cette double victoire, le ciel a désarmé. Tu as reçu la mort en la donnant. Tu as donné la mort en la recevant. Ton épée l'a tué. Il t'a tué de son épée. Tu as créé le malheur. Le malheur, tu l'as subi. Éclaté mes sanglots. Coulé mes pleurs. Par ton frère, tu as péri. Ton frère, tu l'as tué. Tu as percé le sein le plus cher. C'est la main la plus chère qui t'a frappé. Sujet de douleur. Spectacle d'horreur. Éclaté mes sanglots. Coulé mes pleurs. Où les mettrons-nous donc en terre? Au lieu le plus honorable. Hélas, qu'ils dorment leur dernier sommeil près de leur père. Vous venez d'entendre les sept contre Thèbes d'Eschyle dans une version nouvelle de M. François Deroux. Nous vous en rappelons la distribution. Messieurs André Falcon et Théocle, Jean David, le messager, Raoul Henry, Georges Vitray, François Vibert, le cœur des vieillards, Jacques Clancy, Jean-Louis Gemma, Roland Alexandre, le cœur des adolescents, Mesdemoiselles René Fort, la jeune fille, Denise Noël, Christiane Carpentier, Geneviève Martinet, Eliane Bertrand, le cœur des jeunes filles. Veuillez écouter maintenant La Petite Ville, comédie en quatre actes de Louis-Benoît Picard. Voici quelle en sera la distribution. Messieurs Robert Manuel Dubois, Maurice Portera, Monsieur Vernon, Marco Béard, Monsieur Riflard, Jean Pia, Desroches, Teddy Billis, Champagne, Michel Galabru, François, Gilbert Guiraud, Delille. Mesdames Micheline Boudet, Flore, Yvonne Godot, Madame Belmont, André de Chauveron, Madame Senneville, Suzanne Nivette, Madame Guibert, Denise Jans, Nina Vernon, Denise Pezzani, la récitante. Acte premier. Une jolie campagne. On aperçoit au loin la petite ville. Non, mais c'est pas ma faute, monsieur! Je dormais sur mon cheval! Tu dormais, tu dormais! Est-ce qu'un postillon doit dormir? Voyons un peu sur une route aussi belle, versée, briser une roue! Allons, ne voilà-t-il pas un grand malheur? Tu n'es pas blessé! Il vaudrait mieux que je fusse blessé. Oh, ce n'est rien, monsieur, rien du tout! Comment c'est rien du tout? Une roue cassée, l'essieu rompu, voilà tout! Je cours chez le premier charron. Dans deux ou trois petites heures, nous nous remettrons en route. Oh, dans trois heures! Parbleu, c'est un accident qui ne pouvait arriver plus à propos. Nous voici aux portes de cette petite ville dont je t'ai parlé. Nous avons des lettres pour plusieurs de ses habitants, nous ne comptions pas nous en servir. Nous leur demanderons à dîner. Oh, sans doute, nous perdrons là une journée tout entière. Tu vois les choses avec une tranquillité. Enfin, si tu étais aussi pressé que moi de t'éloigner de ce maudit Paris, tu sentirais combien le moindre retard est insupportable. Combien je dois être furieux. Desroches examine la campagne avec ses lunettes. Mais autant que j'en puisse juger avec ma vue courte. Voilà un assez joli endroit. Ne te l'avais-je pas dit? Vois-tu cette petite ville située à mi-côte? On la dirait peinte sur le penchant de la colline. Et cette rivière qui baigne ses murs? Et qui coule ensuite dans cette belle prairie. Et cette épaisse forêt qui la couvre des vents froids et de l'aquilon? La nature semble avoir pris plaisir à embellir, à protéger cette petite ville. C'est peut-être là que se trouve le bonheur. Bon, ne voilà-t-il pas l'enthousiasme qui te prend? En vérité, mon pauvre ami, tu es un singulier original. La moindre contrariété te met en fureur, et aussi prompt à te calmer qu'à t'emporter, tu t'enflammes pour le premier objet. Ah, j'ai eu tort, n'est-ce pas, de rompre sur le champ mon hymen avec ta chère cousine. Oui. Cette veuve ingrate, Madame Belmont, que je m'en veux d'aimer encore, et de fuir pour m'arracher à cet indigne amour. Ce ne serait pas le premier tort que tu aurais eu. Mais ne l'ai-je pas vu dans cette fête que j'ai eu la sottise de lui donner la veille du jour arrêté pour notre contrat? Accueillir, traiter familièrement un inconnu, un jeune officier. Ne l'ai-je pas surprise en grande conversation tête à tête avec ce même jeune homme? Je ne vois là que des apparences qui peuvent être trompeuses. Fortune, beauté, excellent caractère, ma cousine réunit tout. Et tu pars comme un fou sans rien approfondir, sans lui demander quel était ce jeune militaire. C'est que j'étais éclairé par mes premières aventures. Des intrigants, des fripons, des joueurs, des coquettes et des prudes. Voilà ce pari que j'abandonne. Et loin duquel je veux aller chercher des vertus et le bonheur. Et si tu cours après ces objets, tu voyageras longtemps. Non que je prétende qu'ils n'existent nulle part, mais tu changes de façon de penser avec tant de rapidité. Ce qui te plaît aujourd'hui, à coup sûr demain, sera l'objet de ta satire. Jeune, riche, maître de tes actions, tu étais né pour être heureux avec cette chère parente que je me plais à ne pas croire aussi coupable. Je t'ai vu admirateur de Paris, étonné qu'on pût le quitter un instant, et maintenant tu voyages, sans autre but que de t'en éloigner. Tu pars sans dire adieu à tes amis. Tu me proposes de te suivre, je t'accompagne, mais sans jurer comme toi de ne plus revoir ce Paris où j'ai été trompé comme un autre, où j'ai rencontré aussi des fourbes et des coquettes, mais contre lequel je n'ai pas pris d'humeur pour cela, parce que je sais qu'il y en a partout, comme à Paris. Oh, c'est un peu fort. Écoute. Je ne veux pas m'ériger en défenseur langoureux des plaisirs et de la vie champêtre. Mais, par exemple, dans cette petite ville dont nous admirions tout à l'heure la situation pittoresque, peux-tu croire qu'il y ait autant de corruption, autant d'intrigues et de mensonges qu'à Paris? Mais oui! Les vices y sont les mêmes, et d'autant plus misérables qu'ils s'exercent sur de plus minces sujets. Je n'y connais personne, je n'y suis jamais entré. Mais il me semble voir d'ici la morgue des hommes, les prétentions des femmes, les haines des familles, le regret de ne pas être à Paris, les petites ambitions, les grandes querelles sur des riens, la coquetterie des petites filles, oui. L'esprit sordide et mesquin dans l'intérieur des ménages, le faste ridicule et de mauvais goût dans les repas pris. Oui, mais le repos, la tranquillité... Sauf l'envie, la jalousie, les haines, les caquets, la médisance et la calomnie, dont l'activité est doublée par l'oisiveté, par l'ennui. Oh, nous voyageons pour nous amuser, nous avons 2 heures à passer ici et... J'ai dans l'idée qu'elles peuvent nous être à la fois agréables et utiles. C'est ce que je te disais. Est-ce que tu rejetais avec tant d'humeur avant que ton enthousiasme tue ses dits? Il faudrait trouver quelqu'un qui nous indiquât le plus court chemin. Et il faut bien y aller à pied, puisque notre chaise est brisée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il serait assez plaisant qu'à la porte de cette ville, que tu t'imagines l'asile du bonheur et de la vertu, nous fussions attaqués par des voleurs. Oh, où diable vas-tu chercher des voleurs? Il n'y en a pas dans ce pays ici. À port! À port! Patino! Là, viens, là, Ah, c'est un chasseur! L'entends-tu qui cause avec son chien? Oui. Jacques, amène Patino! Ah, je ne chasse plus! Écoutez, monsieur! Ah, mille pardons, je n'avais pas l'avantage de vous apercevoir du premier abord. Que puis-je, s'il vous plaît, pour votre service? Indiquez-nous, je vous prie, le chemin le plus court pour arriver à la ville que nous apercevons. Ces messieurs sont des étrangers et des gens honnêtes. Oh. Mon coup d'œil me trompe rarement. Je suis moi-même domicilié dans la dite ville et j'aurai, si vous me l'accordez, l'honneur de vous y conduire. Bien sensible. Voilà un homme qui donne une bonne idée de la politesse du pays. Et du ridicule, ce ton emphatique. Oh, ce pauvre cher homme, pourquoi ne veux-tu pas qu'il soit ridicule? Ces messieurs comptent-ils faire un long séjour dans notre endroit? Mais non, nous ne savons pas encore. Tant pis, sans avoir l'avantage de vous connaître, je me serais fait un plaisir de vous faire admirer toutes nos curiosités. Et grâce au ciel et aux soins du préfet de notre département, nous n'en manquons pas. Avant les canons, c'était une ville de guerre. On peut en juger par les remparts. Elle a soutenu un siège sous le règne de Clovis, où il a péri 50 000 habitants. J'ai cru qu'elle n'avait jamais compté que 7 à 8 000 âmes. C'est juste, mais la chronique du temps. La ville basse est antique et mal bâtie. Il y a un coin de la grande rue où l'on ne saurait passer deux de front. Mais le quartier neuf, c'est un vrai bijou. Tu vois bien que c'est une ville charmante. Oui, très agréable, au moins des promenades pittoresques, le mail, le petit cours... Le sang y est superbe, la vie y est excellente, le poisson exquis, la marée presque aussi fraîche qu'à Paris. Oh. Le vin du cru vaut le Bourgogne. Deux foires par an, une société choisie, la bouillotte à 30 sous et la comédie bourgeoise établie par bienfaisance où l'on s'amuse en faisant l'aumône. Je vois que nous parlons à un des principaux habitants. J'y joue un certain rôle. Vous y entendrez parler de François Riflard. Quoique je n'y ai qu'un pied à terre parce qu'habituellement je loge à mon château, un fort joli endroit et qui me convient pour la chasse. Les créneaux, les tourelles et le pont-levis que j'ai conservé en mémoire de mes ancêtres. Oh, non pas que je tienne à toutes ces chimères, à tous ces préjugés de noblesse et de féodalité dont je me réjouis avec tous les philosophes que nous soyons débarrassés. Mais on est bien aise de pouvoir se rappeler à soi-même et aux autres qu'on a eu un aïeul qui fut tué à la première croisade. Quoi? Vous avez eu un aïeul? Rodolphe Riflard, aide-de-camp de Baudouin, comte de Toulouse. Il en est question dans la Jérusalem délivrée. Mais c'est donc un petit pari que votre ville... Juste! Bal masqué pour l'hiver, bal champêtre pour l'été, un limonadier qui a commencé au café de foie et qui fait les glaces dans la perfection, pourvu qu'on les lui commande une semaine à l'avance. Notre jeunesse est galante, brave et fait assaut avec les plus forts maîtres d'armes des régiments qui passent. Je sais assez bien me servir d'un fleur, et moi qui vous parle, quand on a touché Saint-Georges... Demeure d'ailleurs un excellent ton, parce que toutes nos femmes sont vertueuses et fidèles à leur mari... Ou à leurs amants. Dans une petite ville où on sent la nécessité des égards et des procédés. De la littérature, nous avons un journaliste, un imprimeur et 2 auteurs, sans compter les amateurs qui font des charades, des logogriffes et des bouquets. Je vous demande pardon si je vous entretiens de toutes ces misères. Non, j'aime mon pays et je saisis l'occasion d'en faire les honneurs. J'aurais bien pu me fixer à Paris, mais je n'aime pas Paris. Vous n'aimez pas Paris? Oh, vous avez bien raison. Un bruit, un tumulte et des mœurs affreuses. Oh. Ah, vive la province! On s'y amuse autant pour le moins et avec plus de décence. Parce que la probité... Mais Permettez donc, je ne me trompe pas, mais c'est la carriole de Madame de Senneville que j'aperçois au haut de la côte. Qu'est-ce que vous dites, Madame de Senneville? Ah, mais en effet, elle habite ce pays. Tu la connais? Vous la connaissez? Une jolie femme. Oh, la plus jolie du pays. Et nous n'en manquons pas. Dans un voyage qu'elle fit à Paris, j'eus le plaisir de la voir. Ainsi que son nom. Ah, le vieil asthmatique qui fait toujours bâtir. Ah, elle ne me reconnaîtra pas, probablement. Une femme charmante, pleine de sensibilité, et qui, entre nous, n'est pas sans une espèce d'intérêt pour votre serviteur. Ah, il y avait 1000 rivaux. Dès que j'ai paru, ils se sont tous éclipsés. Non, je vais vous présenter à elle. Dans l'instant, je reviens. Sans adieu, messieurs. Non, non. Eh bien, j'ai déjà trouvé une personne de connaissance. Une femme vraiment aimable, tu verras. Un air pur, un beau ciel, des mœurs simples, honnêtes. Ces bonnes gens ne peuvent pas être méchants. Fourbes, intéressés. Chacun content de la fortune de ses pères ne sait ce que c'est que l'ambition, que l'avidité. Oh, mon Dieu, non. L'aubergiste n'y écorche pas le voyageur. Le marchand y vend en conscience. Le médecin y guérit ses malades. Le procureur y concilie ses clients. Oh. C'est une ville privilégiée. Oh, moque-toi de moi. Tant que tu voudras, je gagerai. Ah, voici du bois. Eh bien, du bois. Bien, monsieur, vous allez vous fâcher, j'en suis sûr, mais ce n'est pas ma faute. Quoi, non? Le charron dit comme cela que votre chaise ne peut pas être en état avant 24 heures. Ah, avant 24 heures? Ces gens-là ne veulent que gagner leur vie. Et je suis bien sûr que si vous leur promettiez un bon pourboire, ils auraient bientôt fait. Car en vérité, ça me désole pour vous. Mais non, mon ami, ne te désole pas, qu'il ne se presse pas. Je serais enchanté de passer 24 heures ici. Je suis si fâché de vous voir arrêter. Je serais désespéré de repartir à présent. Avec des roches, tu dois être fait à ses manières. C'est vrai, monsieur? Eh bien, tant mieux, si nous avons du temps. Cela te contrarie peut-être, mon cher Delisle. Moi, rien ne me contrarie. D'ailleurs, tu vois que c'est la nécessité. Oh, sans doute. Ah, voici notre homme qui revient avec sa conquête. Voilà. Elle n'est ma foi pas mal, cette femme-là. Oh, je vous en prie, Bastien, n'allez pas trop vite en descendant la côte. Ne fatiguez pas cette pauvre jument. C'est une si bonne bête. Oh, quelle chaleur, quelle fatigue. D'où venez-vous donc, belle dame? Des vendanges de Monsieur Rigaud. Ah, vous allez chez Monsieur Rigaud. Eh bien, ne vous voilà-t-il pas jaloux? Nous avions une société charmante et nous nous sommes amusés. On a joué un jeu d'enfer. Ça, sous l'affiche. Je ne reviens en ville que parce que c'est mon jour de société. Madame, voilà les deux étrangers dont je vous ai vanté avec juste raison la tournure et la conversation. Madame Senneville ne me reconnaît pas? Pardonnez-moi, je me rappelle... Dans votre voyage à Paris, chez mon oncle, qui s'appelle Desroches, comme moi. Oh, vous seriez le jeune neveu de Monsieur Desroches. Oh, mais je vous remets parfaitement. Comment se porte-t-il, le cher oncle? Oh. Un très galant homme. Enchanté de vous voir dans notre pays. Soyez le bienvenu. Ces messieurs viennent de Paris? Oui, madame. Oh, et qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Mais rien, madame. On y va à la bourse, au spectacle. Chacun y fait ses affaires. Les gens d'esprit se moquent des sots. Plus d'un sot fait fortune. Plus d'un fripon passe pour un honnête homme. Plus d'un charlatan pour un homme de mérite. C'est toujours la même chose. C'est toujours comme partout. Et y porte-t-on toujours des châles en effilé, des rubans jonquilles, des chapeaux à boucles, des tuniques amarantes? Les fichus sont-ils croisés en X ou en Y? Porte-t-on ses cheveux ou des perruques? C'est à quoi je n'ai pas pris garde autrement. C'est comme ma marchande de mode et d'une négligence. Elle m'envoie les modes que 3 mois après l'explosion. Et cela me pique, voyez-vous. Parce que quand on a le point d'honneur d'être bien mis... C'est que madame donne le ton à toute la ville pour la parure et le goût. Est-il vrai, monsieur Isla? Ah, c'est un séjour enchanteur que Paris. J'y ai fait 2 voyages dans ma vie, 15 jours chacun. Monsieur Senneville vivait dans ce temps-là. Et... Je lui suis fort amusé. Et... ils n'ont pas été infructueux pour moi. On s'en aperçoit aisément, madame. Oh, trouvez-vous? Vraiment, à vos manières, à vos discours, à votre tournure. Mais franchement, je n'aimerais pas y demeurer. Parce que la campagne, pour un cœur sensible... Ah, la campagne. Ah, c'est là que la nature, plus belle et plus riante, invite aux sentiments les plus doux et les plus purs. La verdure, les oiseaux, les ombrages et les mœurs simples et rustiques vous rappellent à la campagne à tant d'attraits. J'espère que vous me ferez l'honneur de fréquenter ma maison dans le court séjour que vous ferez dans notre ville. J'y vis avec un oncle âgé, respectable. pour lequel je ne saurais avoir trop d'attention. Je lui dois mon éducation. Et le peu que je vaux. On n'a pas plus de sensibilité que cette femme-là. Je vous retiens d'abord pour aujourd'hui. On passe la soirée chez moi. Vous connaissez sans doute quelques personnes. J'ai une lettre pour Madame Guibert. Vous la connaissez? Oh, c'est ma meilleure amie. Une femme charmante, une fille céleste, excellente musicienne. Que sa mère voudrait bien voir établie, c'est tout naturel. Elle est un peu gauche, un peu zèle, la chère Madame Guibert. Elle a bien eu quelques aventures, vivant du défunt. Oui. Mais on a oublié tout cela. Une si belle âme. Pas grand génie, fort bavarde. Je l'aime de tout mon cœur. Oui. Vous me ferez l'amitié de venir dîner demain chez moi. J'irai inviter aujourd'hui même Madame Guibert et sa fille. C'est que demain, il nous faudra continuer notre route. Oh, tais-toi donc. Votre aimable invitation est un motif assez puissant. Vous en serez, monsieur Riflard. Ah, vous me permettrez de vous offrir ma chasse. Oh. Deux perdreaux rouges, excellent. Toujours galant. Il faudra inviter monsieur Vernon et sa sœur. Oh, c'est vous, un rival. Pauvre garçon. Il ne s'attendait pas à m'avoir pour concurrent. S'il n'était pas si amateur de procès, si chicaneur de profession, ce serait un homme parfait. Il fait des vers délicieux. Et il parle comme il écrit. Par sentence et par adverbe. Oui, sa pauvre sœur commence à être sur le retour. Mais quand elle sera tout à fait résignée à rester fille, elle sera vraiment fort aimable. Allons, voilà qui est entendu. Demain à 3h. Car chez moi, c'est comme à Paris. C'est la seule maison du pays où l'on ne dîne pas à 1h. Vous choisirez entre la bouillotte, le loto, le reversi, le bostonien, le Maryland, le whist, ou les petits jeux à donner des gages. Mon oncle sera enchanté de renouer connaissance avec le neveu de son ami. Si vous restez seulement 2 jours, vous viendrez à notre comédie de société. Il y a des talents. Nous jouons le barbier de Séville et la gageure après. Vous verrez comme Madame Jourosine et Madame de Clainville. Et vous, Monsieur Riflard, ne jouez-vous pas? L'éternueur et l'alcade, par complaisance. Parce qu'ordinairement, je ne joue que dans l'opéra, les collins. Mais c'est Monsieur Vernon qui vient de ce côté. Qui? Ce poète chicaneur dont vous nous parliez à l'instant? Guibert. J'espère que vous n'allez pas faire éclater votre jalousie. Est-ce que j'ai sujet d'être jaloux? Vous, madame, en ces lieux, je ne m'attendais pas véritablement à l'inestimable avantage de vous rencontrer. Enchanté de vous voir. D'où venez-vous donc? Faut-il le demander de quelque tribunal voisin? Directement du tribunal d'appel. Là, ils font mourir avec leur lenteur. Voilà encore la cause remise à quinzaine. Ah, messieurs, voulez-vous permettre que je vous présente un des plus honnêtes gens du pays? Vous vous moquez, madame, assurément. Vous avez donc bien les procès, monsieur Vernon. Moi? Je les déteste. Vous en avez avec tout le monde. Avec tout le monde. Avec moi. Avec votre oncle, pour ce belvédère qu'il fait bâtir directement devant mon moulin et qui, sans contredit, intercepte le vent. Il ne tient qu'à vous que nous nous arrangions. Il la courtise, mais il ne l'aura pas. Avec Riflard. Pour ce lapin qu'il poursuivit jusque dans mon verger. Nous nous sommes conciliés quand on s'y prend aussi poliment que monsieur. Moi, je suis l'homme du monde, le plus accommodant. Je l'aurais fait sauter par les fenêtres du juge de paix s'il avait raisonné. Avec Madame Guibert. Ça c'est différent. Il s'agit d'une caisse de rouge végétal que ma sœur a fait venir directement du parfumeur de la Cloche d'Or à Paris. Et certainement, Madame Guibert a eu tort de s'en emparer et nous verrons. Cependant, auriez-vous quelques répugnances à dîner demain avec Madame Guibert chez moi? En aucune façon. On soutient ses droits et l'on dîne ensemble. Monsieur Riflard et ces messieurs qui viennent de Paris. De Paris? Je serais ravi, enchanté. Je n'aime pas ces gens de Paris. Ils ne viennent que pour nous enlever nos femmes ou pour gagner notre argent. Eh bien, messieurs, qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Que deviennent les lycées, l'institut? Que disent les journaux? Fait-on toujours beaucoup de satire? Ce n'est pas la matière qui manque. Ni l'intention. C'est peut-être le talent. Et le sauvage de l'Aveyron? Le chinois? Le Sophie? Forioso, l'oratorio, les lionceaux. Vous aurez tout le temps de causer de littérature et de nouvelles. Le jour s'avance. Mon cabriolet doit être au bas de la côte. À propos, avez-vous été à l'Assemblée chez Madame Saint-Hilaire hier au soir? Oui, vraiment, ah, c'était d'un triste. Ah. Vous n'y étiez pas. Un petit jeu, un souper mal servi, tout était froid. Oui. Il y avait 33 assiettes de dessert. Oh, il y en avait 35 au dernier thé que Madame nous donna. Oui, la petite Remival a fait un scandale. Elle n'a cessé de jaser avec la morinière. Comment peut-il s'attacher à une créature aux yeux jaunes, aussi fâle, aussi pigrière? Et Madame Verbois, qui a donné un soufflet à Florence. En vérité, ces couplets malins qui courent dans la ville, on prétend qu'ils sont de lui. Trêve à tous ces propos. Vous savez que je déteste la médisance. Allons sur le port. Voilà l'heure où le coche arrive. C'est un plaisir de voir débarquer un coche. On sait tout de suite toutes les personnes qui viennent dans la ville. Oh, c'est fort gai. Tous s'éloignent, Dubois paraît et parle à Delille. Votre cousine, Madame Belmont, qui nous a suivis avec Champagne, son vieux domestique. Madame Belmont? Mais elle ne veut pas voir Monsieur Desroches. Elle voudrait vous parler. Tout à l'heure, je suis à toi. Donnez-moi le bras, mon cher Iflard. Deux jeunes gens, très aimables. Nous vous suivons tous. Ah, tu le vois, mon ami, c'est une ville charmante. Ils disparaissent. Eh bien, Dubois, où est donc Monsieur Delille? Madame s'impatiente. Le voilà. Desroches pourrait nous surprendre. Ne manquez pas de nous avertir dès qu'il paraîtra. Ne croyez pas, Delille, que j'ai eu la faiblesse de suivre votre indigne ami. Je cours l'oublier à 100 lieues de Paris, chez notre respectable tante. Sur la route reconnaissant votre valet, je n'ai pu résister au désir de m'informer. Pourquoi me cacher le véritable but de votre voyage, ma chère cousine? Vous avez suivi les traces de Desroches. Est-ce un si grand mal? Vous l'aimez donc encore? Oh. Dieu sait ce que le monde va penser de ma démarche. Et qu'importe ce que le monde en pense, je vous approuve, moi. Je le vois, vous connaissez Desroches comme moi, c'est la plus mauvaise tête et le meilleur cœur. Et d'ailleurs, ce mariage rompu, cette fuite de votre ami... Oh, je me vois exposée aux propos des méchants. Oh. Mais quel a pu être son motif? La vivacité de son caractère, l'expérience qu'il a déjà faite de l'infidélité, de l'inconstance. Mais encore? Puis cet inconnu, ce jeune officier avec lequel il vous a surprise à ce bal. Quoi? N'est-ce que cela? Oh, mais je vais vous expliquer. Voilà Monsieur Desroches qui quitte sa compagnie. Je ne veux pas le voir, je m'éloigne. Voulez-vous vous en rapporter à moi? Logez-vous dans une auberge voisine de la nôtre. J'irai vous avertir de tout ce qui se passera. Madame Belmont s'éloigne avec Champagne. Ah, Dubois, cette femme-là lui convient. Mais comment compter sur quelque chose de raisonnable avec un homme qui semble brouillé avec la raison? Ah, n'importe. L'arrivée de Madame Belmont m'encourage, et j'espère. Eh bien, de Lille. Je t'ai vu en grande conversation avec Madame Senneville. Je me suis éloigné en personne discrète. Oh, mon ami, c'est une femme charmante. Pleine d'esprit, de grâce, d'amabilité. Au moment où elle est montée en voiture, elle m'a lancé un regard. Elle m'a serré la main. Eh bien, Eriflard. Oh, c'est un sot, quand elle s'abuse. Et toi, qui es si prévenu contre les coquettes? Oh, ici c'est différent, ce n'est pas coquetterie, c'est sympathie. Oui. Mais nous perdons notre temps. Entrons dans la ville. Je ne dis rien encore, mais j'espère bien y rester plus longtemps. Oh, quand on habite un pareil séjour, comment peut-on le quitter? Tu n'y seras pas 24 heures que tu penseras comme ses habitants. Tu voudras en être dehors. Acte deuxième. Une rue de la petite ville. D'un côté, une auberge. De l'autre, la maison des Vernon. Mademoiselle Vernon et son frère sortent de chez eux. Vous allez sortir, mon frère? Précisément, ma sœur, je vais sortir. Toujours vos procès qui vous occupent. Et vous abandonnez votre maison. Et vous laissez une jeune personne comme moi exposée à toutes les entreprises des galants. Oh, une jeune personne comme toi? Mais je ne suis ton aîné que de 10 mois. Mais vous êtes un jeune homme, vous, mon frère. Mais je serais une vieille fille si j'étais fille. C'est donc à dire que je suis vieille. Vos propos sont d'une grossièreté. Avec qui serait ton franc si ce n'était avec sa sœur? Enfin, je sais à quoi m'en tenir sur mon âge. Et vous ne vous doutez pas des dangers auxquels vous exposez ma réputation en veillant avec aussi peu de soin sur moi, vous, mon frère, qui devriez être le tuteur, le père d'une pauvre petite orpheline. Oh, ma foi, ma sœur, tu es assez grande pour te surveiller toi-même. Mais, écoutez donc, si je vous disais qu'enfin, je crois avoir trouvé à me marier. Nous y voilà. Oui. Depuis 10 ans, tu te crois toujours sur le point de te marier. Mais n'est-il pas enfin temps d'être raisonnable? Mais que diable! La vie d'une vieille fille n'est pas si désagréable. Tu le verras quand tu seras résigné. Faire sa partie avec les gens d'un âge mûr, donner des avis aux jeunes filles, être regardée, traitée comme une personne respectable dans la société, est-ce donc à dédaigner? Ça ne vaut-il pas mieux que d'aller au bal, d'y danser à ton âge, de suivre les modes, de faire l'enfant en un mot? Quelle cruauté, quelle tyrannie de la part d'un frère! Si je ne me montrais pas, si je ne développais pas mes grâces, mes moyens de plaire, comment pourrais-je espérer de trouver un établissement? Et plutôt au ciel que tu puisses en trouver un établissement. Oui, vous seriez débarrassé de moi, n'est-ce pas? Je ne vous resterai pas longtemps sur les bras. Et si j'en crois les tendres regards de ce jeune étranger... Quoi? Ce serait un de ces deux Parisiens qui viennent de descendre dans cette auberge? Le plus jeune, le plus aimable. Oh, ça, écoute, ce n'est pas la première fois que tu te fais moquer de toi par les voyageurs qui descendent dans cette auberge. Pouvez-vous m'accuser de courir après eux? Non, mais tu t'imagines qu'ils courent après toi. Toutes les diligences sont remplies de tes adorateurs. On te fait une politesse, tu la prends pour une déclaration. Prends garde, hein, ne me fais pas encore une scène avec ce jeune homme. Tu ne sens pas la conséquence. Mais je n'aime pas, moi, les procès. Et j'en ai déjà 5 ou 6 pour tes beaux yeux. Ce sont ces maudits romans qui te tournent la tête. Douce lecture. Tous ceux qui ont paru depuis 4 ans, je les ai lus. Les châteaux, les dangers, les enfants du mystère, de l'amour, du bonheur. Cécilia, Camilia, Rosa, Célina, Agatha, Rosalba. Tu rêves d'amour et tu te crois Rosalba, Rosa, Francilla, etc. Et pourquoi donc mon cœur ne parlerait-il pas comme le vôtre? Pourquoi nous autres? Jeune personne. Oh! Nous autres, jeune personne. Enfin, tu ne peux pas t'en déshabituer. Non, je ne le peux pas. Et je ne le veux pas. Ah. N'est-il pas reconnu dans la ville que vous courtisez, Madame Senneville? Oh, je l'estime beaucoup, véritablement. Mais je ne crois pas qu'on puisse... Chut! De la discrétion. Et puis, craignez Riflard. Mais ni son épée, ni ses galanteries ne sont faites pour m'effrayer. Je ne pense pas à Madame Senneville. Nous sommes engagés à dîner demain chez elle avec Madame Guibert et sa fille. Ah ! Je n'irai pas. Ah. C'est bien assez de me trouver ce soir avec elle à l'assemblée chez Madame Senneville. Mademoiselle Guibert, une enfant qui fait la grande personne. Et Madame Senneville, qui fait encore la jeune. C'est celle-là qui, bien certainement, est mon aînée. Oui, enfin, tout comme tu voudras. Ces deux étrangers en seront. En seront ? En vérité ? Ah, cela change ta thèse, n'est-ce pas ? Et tu viendras. À propos, il est temps, je crois, que nous nous occupions de nos affaires, de notre partage. Moi, je ne veux pas avoir de procès avec toi. Comment? Est-ce que je suis majeure? À 35 ans? Me tâche donc de te guérir de cette manie de jeunesse. Et vous, de cette manie de procès? Mais crois-tu que ce soit pour mon plaisir que je plaide? Si l'on me demande, je reviens tout à l'heure. Je ne vais que chez mon huissier directement. Comme les frères sont peu galants. Heureusement, le monde me voit avec d'autres yeux. Ce jeune homme, surtout, m'a lorgné d'une manière si tendre. Et comme il a causé avec son amie et la petite servante de cette auberge, et cette petite fille que j'aime de tout mon cœur, s'est hâtée de me rapporter tous ces propos qui vraiment sont flatteurs pour une demoiselle. Mais voyez pourtant à quoi la négligence de mon frère m'expose. Enfin, me voilà seule dans la maison. Ce jeune homme paraît fort aimable, mais je ne le connais pas. N'est-ce pas lui précisément qui sort de l'auberge avec son ami? Hâtons-nous de rentrer? Oh, mon frère, vous n'êtes pas digne en vérité d'avoir une jeune personne sous votre tutelle. Elle rentre. Bien, où vas-tu donc? Tu es donc bien pressé d'examiner cette ville, de voir toutes les personnes pour lesquelles nous avons des lettres? Oh, mon ami, c'en est fait. Je suis amoureux. Oh, mais amoureux. En vérité, je n'aurais jamais pensé que Madame Senneville... Il s'agit bien de Madame Senneville. Elle est fort jolie, sans doute, et je me suis aperçu des progrès que j'ai faits sur son cœur. Oui. Mais c'est d'un autre objet, d'une charmante personne que je veux te parler. Eh bien, il te sied bien d'éclater en reproche contre ma cousine quand je te vois voltiger, toi-même, de belle en belle. Ce sont les femmes qui m'auront appris à être volage, comme elle. Je veux aimer et tromper toutes celles que je trouverai sur mon chemin. Voilà de vastes projets. Et mon séjour dans cette ville les favorise. Ce n'est plus ce premier enthousiasme que tu me reprochais. Tu entends bien que je ne la crois pas le rendez-vous de toutes les perfections. Mais nous pouvons nous y amuser des ridicules, y avoir quelques aventures. En attendant qu'il me tombe quelque bonne fortune, quel est le nouvel objet de... Tiens, elle loge dans cette maison. En face de notre auberge? Oui. Je n'ai vu là qu'une femme sur le retour. Oh, une tante ou une mère, probablement. Mais moi, j'ai vu, et la servante de l'auberge me l'a confirmé, il y a là une fille à marier. Je ne l'ai vue que de loin, je ne lui ai parlé que par signe, mais... Tiens, oui. La voilà derrière sa croisée. Je ne me trompe pas, la fenêtre s'ouvre. La vois-tu? Oui, je vois, en effet, mais... C'est elle, c'est elle! De si loin, avec ma vue basse, je ne peux pas juger. Oh, mon Dieu, je ne sais ce que j'ai fait de ma lorgnette. Elle est jeune, n'est-ce pas? Jeune, mais oui, très jeune. Pauvre garçon, s'enflammer de si loin quand on a la vue basse. 15 à 16 ans? Elle en a bien 18 ou 20. Oh, c'est comme je les aime. Et elle est jolie? Céleste, je t'en fais mon compliment. Ce n'est pas cette aventure qui sera dangereuse pour Madame Belmont. Tu sauras que je suis déjà un peu avancé auprès d'elle. En vérité? Oh mon Dieu, oui. J'ai fait agir la petite servante de notre auberge. On a écouté mes propositions avec la pudeur, la décence, la résistance convenable, mais on entendra raison. Où est donc Dubois? Il va revenir. Je l'ai envoyé. Oh, j'ai besoin de lui. J'ai écrit une lettre. Et sous un prétexte, il peut s'introduire dans la maison. Oh, diable, tu vas vite en besogne. Ah tiens, le voilà. Ah, bah, d'où viens-tu donc, toi? Je ne te trouve jamais quand j'ai besoin de toi. Monsieur, cette petite ville me plaît comme à vous. Ah. Vous savez que nous sympathisons ensemble. Je me suis amusé sur le port, sur le quai, à la douane, à la salle de comédie, qui est une ancienne paroisse. Ah. Monsieur Delisle, Madame Belmont est logée à l'auberge de la Poste sur le quai. Elle vous attend avec impatience. J'y cours. Allons, mon cher Desroches. Oui? Il serait inutile de te presser de venir faire un tour de promenade avec moi. Oh. Je te laisse tout entier à ta nouvelle conquête. Elle en vaut bien la peine, crois-moi. Il ne commence pas mal. Une douairière qu'il prend pour une enfant. Elle est toujours à sa fenêtre. Dubois. Me voilà. C'est ici, mon ami, qu'il faut déployer ton zèle et ton adresse. Je suis en fond pour les deux qualités. Ah. De quoi s'agit-il? Entre dans cette maison. Bon, il y a là une jeune personne charmante. Peste. Chut. Voilà une lettre qu'il faudrait lui remettre. Elle l'aura. Mais prends bien garde. Il y aura sans doute quelques mères, quelques tuteurs ou quelques vieilles gouvernantes. C'est celle qui est à la fenêtre dans ce moment. Non, ne fais pas semblant de regarder. Mais tâche de la reconnaître pour ne pas faire de quiproquo. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que vous dites? C'est celle... Oui, tu as de l'esprit, tu peux causer avec quelques domestiques sous quelques prétextes. Et sans que personne s'en aperçoive, tu prendras bien ton temps pour lui remettre adroitement le... C'est donc quelque affaire importante que vous avez avec cette dame? Imbécile, tu ne vois pas que c'est une lettre d'amour? D'amour? Allons donc, monsieur. Oui, d'amour, enfin ne perds pas de temps. Allons, monsieur, puisque vous le voulez. Mais il a donc perdu la tête. Oh... Elle ne quitte pas sa fenêtre. Ah, cependant, elle aura vu rentrer du bois. Si j'osais. Oh, elle me rend mon salut. Elle ferme sa fenêtre. De l'innocence, de la candeur et des révérences. C'est une Agnès. Voilà une aventure piquante. Ah, là, là, là, là, là, là. Oh, mais du bois tarde bien. Aura-t-il remis ma lettre? L'imbécile se sera laissé surprendre. Oh, le voilà. On vous répond. On me répond? Elle était seule dans la maison. Pas de parents, pas de surveillants. Une vieille domestique occupée au fond de la cour. On est venu au-devant de moi d'un air timide. On a pris la lettre en rougissant. On hésitait à l'ouvrir. J'ai pressé, j'ai supplié. Et comme on tremblait d'être surpris, j'ai obtenu qu'on me fît une réponse qu'on va me remettre. Oh, Dubois, tu es un garçon précieux. Tiens, mon ami, prends. Monsieur, en vérité... Je crains que vous ne regrettiez bientôt votre argent. Jamais, mon ami, jamais. C'est que je crois qu'en conscience, je dois vous prévenir. Rien, mon ami, va vite chercher la réponse. Elle doit être écrite. Allez, va. J'y vais. Mon devoir est d'obéir, mais au moins, vous vous souviendrez que c'est vous qui m'avez fermé la bouche. Ce pauvre Dubois. C'est un garçon fidèle, attaché, intelligent. Il voulait sans doute me parler comme Delisle de Madame Belmont. Ils sont d'accord pour me ramener à elle. Mais je saurais prouver à l'infidèle qu'on peut suivre son exemple. D'ailleurs, son sort m'est indifférent. Je ne l'aime plus. Et cette jolie personne, un peu vive à ce qu'il me paraît, cette Madame Senneville, est aussi fort agréable. Voilà la réponse, monsieur. Ah, donne. Lisons. Je sais que je fais mal en répondant à votre lettre. Au moins, ne pousserai-je pas l'inconséquence jusqu'à accepter le rendez-vous que vous me proposez? Oh! Tous les jours, à 7 heures, l'Argus sévère, sous la surveillance duquel je suis renfermé, se livre au doux sommeil de l'innocence. Je peux profiter de ce moment pour descendre et faire un tour de promenade. Si vos intentions sont aussi pures que vous me l'annoncez, l'instant sera favorable dans un quart d'heure. Mon cœur ne peut désapprouver que vous vous adressiez à moi avant de voir mes parents. Mais au nom de tout ce que vous avez de plus cher... Ne trompez pas une jeune personne trop franche et trop sensible, Nina Vernon. Oh, lettre charmante. Ainsi dans un quart d'heure. Oh, Dubois, ne suis-je pas le plus heureux des hommes? Toi qui as eu le bonheur de la voir de près, n'est-il pas vrai qu'elle est jolie? Monsieur, chacun a son goût dans ce monde. Mm-hmm. Un quart d'heure, c'est un siècle quand on aime. Oh, je rentre dans l'auberge, je sens que je ne peux pas rester en place. Dans l'impatience, dans l'ivresse où je suis. Ah, quel bonheur que notre chaise est versée aux portes de cette ville. Mais je n'y conçois rien. Où diable va-t-il chercher des beautés? En tout cas, ma foi, mon message est bien payé. Une pièce d'or de mon maître pour la lettre, un petit écu de la soi-disant jeune personne pour la réponse. Vernon paraît. Oh, diable, ma sœur, avec ses projets d'amour et de mariage, je cours chez tout le monde et je ne trouve personne. Allons trouver le vieux Champagne. Tandis que Madame Belmont, sa maîtresse, se désole, voyons s'il n'y a pas quelque cabaret dans cette ville où mon maître trouve des bonnes fortunes si originales. Dubois s'éloigne. Elle s'imagine que je n'ai qu'à écouter toutes ces balivernes. Ah, la voilà. C'est vous, mon frère. Je vous attendais avec impatience. Ah, vas-tu encore m'excéder de tes sots discours? Tu m'as déjà fait manquer toutes mes affaires ce matin. Croyez-vous donc que l'affaire qui m'occupe soit moins importante pour vous que pour moi? Oh, courage. On t'adore, n'est-ce pas? On m'adore. Pourquoi pas? Mais puisque vous êtes si soigneux de vos affaires, n'allez-vous pas vous en occuper dans votre cabinet? Comment dans mon cabinet? Toi qui es si bavarde, qui aimes tant à jaser avec moi, tu me renvoies? Que veut dire ceci? Rien, rien, mon frère. Mais tout s'éclaircira, bientôt. Et l'on verra si je suis folle. Tu médites encore quelle espièglerie. Tu vas me donner de nouveaux ridicules. Quel propos? Non, non, mon frère, ne craignez rien. Personne ne blâmera mon choix. Et cet aimable jeune homme... Oh, mais non. Je n'y pense pas. Je ne dois pas y penser. Eh bien, ne vas-tu pas faire la pupille avec moi? Vouloir me dérober tes actions comme à un tuteur, à un père? Oui, mais en vérité, mon frère, vous m'interrogez avec une chaleur. Oh. Croyez que je suis innocente? Une jeune personne peut-elle empêcher un jeune étourdi de s'adresser à elle? De lui écrire? Comment il aurait eu le courage de t'écrire? Oh, c'est un brave homme. Je ne lui ai répondu que pour lui faire sentir toute l'inconséquence de sa démarche. Et du rendez-vous qu'il demandait. Et il te demandait un rendez-vous? Que j'ai refusé, mon frère. Je vous prie de le croire. Je connais trop mes devoirs pour me manquer jusqu'à ce point. Oh, tu es d'une vertu. Mais mon frère, vous avez l'habitude de vous renfermer tous les jours après votre dîner, dans votre cabinet. Dans mon cabinet? Elle veut m'éloigner. Allons, le rendez-vous est donné. Rien n'est plus clair. N'ayez aucun soupçon sur le compte de votre sœur. J'ai perfectionné mon éducation par la lecture et je suis incapable de compromettre ma famille. Oh, je sais! S'il était vrai, si je pouvais enfin la marier. Ce jeune homme est fort riche, dit-on. Mais quand il n'aurait rien, d'ailleurs... À quoi pensez-vous donc, mon frère? Rien du tout, ma sœur. Et comme tu disais, j'ai pour habitude de travailler après dîner. Et je vais dans mon cabinet. Et puis on l'a attentivement. Et s'il est possible que ce jeune homme... Et sans adieu, ma sœur, je te souhaite toutes sortes de prospérité dans tes amours. Adieu, Nina. Adieu. Que veut dire ce ton ironique? Et puis cet air sombre et soucieux? Me serait-il échappé quelque indiscrétion? J'ai tant vu d'exemples dans mes romans des excès auxquels se portent ses frères italiens et espagnols. Je sais bien qu'en France, ils sont un peu plus commodes. Mais mon frère a beau faire l'indifférent, je tremble. Ciel! Voici ce jeune homme! Oh, ma raison condamne également ma lettre et ma démarche. Pourquoi faut-il qu'elle soit la plus faible? C'est elle. Ah, amour, amour, fais-moi réussir près de ce jeune et intéressant objet. Je tremble. Je n'ose approcher. Ah, elle hésite. Courons au devant d'elle. Mademoiselle! Oh, ciel! Que vois-je? Ma démarche, monsieur, doit vous étonner, sans doute. Oh, ce n'est pas elle. Oh non, ce ne peut pas être elle. La vôtre ne me surprend pas moins. Mais quelle est donc cette femme-là? À peine osais-je lever les yeux. Madame, je... Eh bien, monsieur... Madame, ne prenez pas de moi une idée trop désavantageuse. Oh, mon cœur n'est que trop porté à vous excuser. Non, je vous dois la vérité. Je suis le seul coupable dans cette circonstance. Je voudrais me le persuader. Oh, mademoiselle, votre fille est innocente. Ma fille, monsieur? Ou mademoiselle, votre nièce? C'est sa tante, peut-être. Ma fille? Ma nièce? Mais que veut dire ceci, monsieur? Que c'est moi seul qui ai tout conduit. Qui le premier me suis hasardé d'écrire, qu'on ne m'a répondu que pour me confondre ou s'assurer de la pureté de mes intentions, et que ces intentions sont si louables... Comment, monsieur? Est-ce pour m'insulter? Pour m'humilier que vous vous trouvez au rendez-vous que j'ai eu la faiblesse de vous donner? Oh! Mais que parlez-vous de fille, de nièce? Comment se pourrait-il? Vous seriez le charmant objet? Charmant! Oh, quoi, ce serait vous? Peste soit de ma vue basse. Vous paraissez interdit. Confus. Oh, pas du tout, mademoiselle. Oh, maudit soit ce Delille qui m'affirme qu'elle est adorable. Outre la conséquence réelle de ma démarche, apprenez que je tremble d'être surprise par cet Argus sévère et surveillant dont je vous ai parlé dans ma lettre. Oh, c'est pour cela qu'il faut nous séparer au plus tôt. Vous me faites mourir d'inquiétude. Un moment! Permettez-moi de vous dire... J'en étais sûr. Oh. Les voilà tous les deux. Collusion, connivence, coupable. Ciel, mon frère. Votre frère, Vernon? Oh, j'aurais dû m'en douter au portrait que M. Riflard m'avait fait de sa sœur. Mais courage, monsieur. Est-ce donc pour séduire nos femmes, pour porter le trouble dans nos familles, que vous renoncez au séjour de Paris? Oh, ça ne se passera pas ainsi, certainement. Qu'est-ce que vous dites donc, monsieur? Juste ciel, me voilà perdu. Non, rassurez-vous, mademoiselle, vous n'êtes pas perdue. Croyez que j'ai trop de respect pour vous, pour mademoiselle votre sœur? Croyez-vous que ce langage suffise pour nous justifier? Cette lettre que mon imprudente sœur a laissée par mes gardes dans son cabinet, n'annonce-t-elle pas ouvertement vos intentions téméraires? Permettez-moi de vous expliquer. Mais point d'explication! Une séduction! Oh, vous épouserez ma sœur! Moi? J'épouserai mademoiselle? Ciel! Mais comment calmer ces esprits fiers et irrités, mon beau frère? De grâce, modérez ce ton violent. Il ne peut qu'aigrir un caractère généreux. Et lui faire rejeter ce qu'il désire lui-même. Ce que je désire moi-même? Mais pas du tout, mademoiselle. Je sens certainement tout ce que vous valez, mais... Vous ne l'épouserez pas? Ah, nous verrons, nous verrons. Je suis toute saisie. Cette rencontre entre mon frère et ce jeune homme, c'est un roman. Ciel, comment arrêter le sang qui va couler? Oh non, mais pas du tout, ma sœur. Il n'est pas question de sang ni de combat, mais d'une sommation que je vais faire signifier à monsieur. Et comme il est galant homme, je ne doute pas qu'il ne se range à son devoir. Une sommation? Oui. Savez-vous que je commence à perdre patience? Allez-vous-en au diable avec votre sommation. Quel langage! Ah, monsieur! Ah, ne vous avisez pas de nous injurier. Cela pourrait avoir des suites beaucoup plus graves que vous ne pensez. Mais d'où vient donc tout ce bruit? Oh, quoi, c'est toi, mon ami, en querelle avec Monsieur Vernon? Ah oui, viens, tu es un charmant garçon. C'est donc toi qui abuses ton ami. Moi? Je t'ai dit que mademoiselle était jeune, aimable. T'ai-je trompé? Oui, répondez, ingrat. Vous a-t-il trompé? Voyez les pleurs que m'arrache votre indigne conduite. Oh, ma conduite? Oh, mon ami, pourrais-tu résister aux larmes de la beauté? Voyez, votre ami lui-même qui prend mon parti. Finissons. Votre intention est-elle d'épouser ma sœur? Mais monsieur Vernon, que vous ai-je fait? Vous n'en répondrez pas. Vous ne m'épousez pas, cruel. Allez, c'est assez. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Me voilà perdu. Déshonoré dans la ville. Et vous seul serez cause de mes maux. De ma mort. Non, vous ne mourrez pas, ma sœur. Mais monsieur pourra se repentir. Rentrez, ma sœur. Oui, je cours cacher mes larmes et ma honte. Perfide, ingrat, barbare. Me permettez donc, monsieur Vernon, n'y aurait-il pas un moyen d'arranger... Oh, un mariage ou un procès? Deux cruelles extrémités, mon ami. Oh, tu te moques de moi. Laissez-le faire. Ah, parbleu, je ne le crains pas. Ah, vous ne me craignez pas. Ah, vous ne savez pas encore à quel homme vous avez affaire. Ah, vous verrez. Séduction, rapt, abus de confiance. Oh, quelle horreur. Oui, sans doute nous verrons. Mais as-tu jamais vu un plaideur, un chicaneur aussi ridicule? Ah, on n'en manque pas à Paris, mais franchement, il n'y en a pas de cette force-là. Ah, te voilà déjà regrettant Paris. Oh, pas du tout. C'est ta faute aussi. Oh. Ah, je crois que le plus court est d'en rire. C'en est fait, je retourne à Madame Senneville. Oh. Ah non, pour celle-là, tu ne me tromperas pas. Elle est vraiment jolie. En attendant que nous puissions nous présenter chez elle... Veux-tu que nous allions chez Madame Guibert? Quelque ridicule que nous puissions rencontrer dans cette ville, je doute qu'il s'en trouve de mieux conditionné que ceux que Monsieur Vernon et sa céleste sœur. Ah, que sait-on? Il ne faut jurer de rien. Dans tous les cas, songeons à trouver une autre auberge. Le voisinage de celle-ci est trop dangereux. Il y pleut des mariages, des procès. Je suis à toi dans l'instant. Desroches rentre dans l'auberge. Paraît Madame Belmont. C'est vous? Que venez-vous faire ici? Desroches va venir, tout serait perdu s'il vous voyait. Que m'importe que cette demoiselle Vernon ne soit ni jeune ni jolie. C'est l'inconstance, c'est l'oubli de votre amie qui m'irrite. Faites-lui grâce de votre colère, il est assez malheureux, le voilà engagé dans un procès. Écoutez, votre intention est de lui donner une forte leçon, mais non pas de vous punir vous-même en renonçant à lui. Vous punir moi-même? Oui, je vous le répète, pourquoi feindre avec moi qui ne veut que son bonheur et le vôtre? Toutes ces aventures ne serviront qu'à vous faire regretter, mais éloignez-vous. Ciel! Nous sommes perdus, le voici! N'ayez pas peur, il ne me reconnaîtra pas. Elle baisse son voile. Eh bien, mon ami, partons-nous! Oui. Oh! Ah, je ne m'étonne plus si tu m'as fait attendre. Quelle est donc cette belle mystérieuse? Tu vois, mon ami, que je ne néglige ni tes leçons, ni ton exemple. Et moi aussi, j'ai mes aventures dans cette petite ville. Oh, fripon! C'est toi maintenant qui vas la trouver charmante. Délicieuse, adorable, divine! Allons chez Madame Guibert! Oui. Acte troisième, le salon de Madame Guibert. Oui, messieurs, c'est ici même que demeure Madame Guibert. Ah, donnez-vous la peine de vous asseoir. Vous voulez lui parler? Oui, mon ami. Je vais la chercher. Ces messieurs sont des marchands forains qui viennent pour la foire de la Saint-Michel. Ah non, mon ami. Mais de grâce. J'ai cours, je vous dis. Ah, vous êtes peut-être des comédiens qui venaient louer la salle. Mais du tout, mon ami, nous venons pour Madame Guibert. Ah, c'est différent. Vous êtes les hommes de loi qu'elle a demandé pour son procès avec Monsieur Vernon? Nous sommes pressés, mon ami. Et moi donc, croyez-vous que j'ai le temps de babiller? C'est une indignité que nous fait là Monsieur Vernon, parce qu'enfin ce rouge, nous l'avons bien payé. Oui. C'est moi qui ai été porter l'argent, et j'enlèverai la main s'il le faut. Je vous crois, mais... Je cours avertir Madame. Oh, quel bavard. Oh, un petit agrément de plus dans les domestiques de province. Oh, il s'en trouve à Paris comme ailleurs. Cette maison annonce de l'opulence. Oh, mais vois-tu comme c'est gothiquement meublé. Et ces grands portraits de famille, je te demande un peu si ce sont là des figures humaines. Ah, on aime à revoir ainsi ces aïeux. Et quoi qu'il y ait peu de talent dans l'exécution, l'aspect de ces vieux portraits donne une bonne idée de la sensibilité des maîtres de la maison. Eh bien, ne te voilà-t-il pas comme ces faiseurs de sensibilité qui voient un sentiment partout? Et à la vue de tous ces portraits, ne vas-tu pas t'attendrir comme à un drame? Oui, toi qui fais le philosophe. Parlons un peu de cette belle voilée avec laquelle je t'ai surpris. Ah, cette femme à coup sûr vaut bien toutes les beautés de la ville. Tu ne penserais pas peut-être ainsi si tu la voyais à présent? Mais demain, ce soir peut-être, tu rendras justice à toutes ses qualités. Mais elle n'est donc pas de ce pays? Non. Mais d'où vient-elle donc? Tu le sauras. Oh, à propos, n'oublions pas que Madame Senneville nous attend chez elle, à l'Assemblée. Ah oui, l'Assemblée. Quelques vieilles femmes bien disgracieuses, bien sèches, possédant à fond toutes les finesses du reversi. Quelques vieux hobereaux dissertant gravement sur l'excellence de leur tabac. Quelques jeunes gens bien gourmés, un groupe de jeunes personnes bien niaises. Deux bougies sur la cheminée, deux chandelles sur chaque table de jeu, un petit chien sous celle-ci, un gros chat sous celle-là. Rien n'est galant comme une réunion de famille. Pshut ! On vient. C'est sans doute la maîtresse de la maison. Oh, vois-tu cette tournure noble et imposante? Soutiens donc la dégrâce qu'à Paris. Oh non, parbleu, Madame Guibert me donnerait un démenti. Les voilà, madame. Ils me l'ont avoué eux-mêmes, ce sont les gens de loi que vous avez mandés pour votre procès avec Monsieur Vernon. Charmante tournure pour des gens de loi de province. Le plus jeune est l'avocat, l'autre est le procureur. Madame, nous venons, mon ami et moi. Je sais, monsieur, je vous attendais avec impatience. Vous nous attendiez? Quant aux soins d'établir ses enfants comme il faut, se joignent des affaires aussi désagréables. Une pauvre veuve est bien à plaindre, n'est-il pas vrai, messieurs? C'est la vérité, madame, oui. Mais nous venions... Vous convenez aussi que ce monsieur Vernon est un chicaneur comme il n'en existe pas. Ah, je vous en réponds, madame. Est-ce qu'elle saurait déjà mon aventure avec la sœur de monsieur Vernon? Tu le mériterais bien. Oh. Par quel motif croyez-vous que nous venons dans votre maison? Mais pour m'aider de vos conseils dans cette malheureuse affaire avec cet impitoyable plaideur. Quand nous aurons l'avantage d'être connus de vous, nous ne vous refuserons pas certainement nos bons offices. Et surtout contre ce ridicule Vernon, pour lequel je vous conseille d'avance de n'avoir aucun égard, aucune pitié. Mais nous ne sommes pas des gens de loi. Qu'est-ce donc que ce François est venu me conter? Ah non, nous sommes deux Parisiens qui voyageons pour notre plaisir. Oui. Et pour notre instruction. Et qui, sur la réputation méritée dont jouit dans toute l'Europe la ville que vous habitez, nous sommes empressés d'y venir passer quelques instants. Pour en observer le site et les monuments. Pour y jouir surtout de tous les agréments de la bonne société qu'elle renferme. Munis de lettres de recommandation pour les principaux habitants. Nous ne pouvions manquer d'en avoir pour Madame Guibert. Daignez donc lire cette lettre de monsieur votre frère. De mon frère de Paris? Oui. Et de grâce, sa santé. Excellente, madame, excellente. Toujours moins occupée de ses propres affaires que de celles des autres. C'est bien l'homme le plus obligeant, le plus sensible, le plus complaisant. Ah oui, la sensibilité est une vertu de famille chez nous. Mmh. Encore quelques pauvres diables que mon frère me recommande. Je suis charmée, messieurs, enchantée, ravie. Il est d'une indiscrétion. Voulez-vous bien permettre? Ma chère sœur, j'ai toujours reconnu en vous une bienfaisance extrême, une politesse exquise, une sensibilité. Il ne m'épargne pas les compliments, mon cher frère. Et nous savons que vous les méritez, madame. Permettez donc que je vous adresse un jeune homme pour lequel j'ai conçu le plus vif intérêt, qui voyage avec un de ses amis. C'est le jeune Desroches. Il est plein d'esprit, bien élevé, versé dans tous les arts d'agrément, surtout dans la musique et le violon, dont il pourrait donner des leçons aux plus forts amateurs. Je ne doute pas de vos talents, monsieur, mais nous comptons dans notre ville plusieurs virtuoses qui ne seraient pas déplacées à l'opéra de Paris. Oh, je le crois. Elle s'imagine que tu viens faire des écoliers dans le pays. Daignez donc à ma prière le recevoir, l'accueillir comme votre fils, le présenter dans les sociétés, en un mot, lui rendre le séjour de notre ville le plus agréable qu'il vous sera possible. Oh, je le voudrais de bon cœur, mais je suis fort peu répandue, je vois très peu de monde. Oh. De Lille, l'ami de Desroches, jouit d'une fortune suffisante, c'est un fort honnête garçon. Oh, monsieur, je n'en doute pas. Desroches est le fils unique d'un de mes amis qui a laissé 30 000 livres de rente. Te voilà bien plus honnête que moi. Comme je vous disais, je suis très peu répandue, mais je verrai volontiers du monde pour satisfaire au désir de mon frère. Madame. Oh, combien je lui sais gré de m'avoir adressé deux jeunes gens aussi aimables. Madame. Vous arrivez apparemment à l'instant même. Voilà 2 heures à peu près que nous sommes descendus à notre auberge. À l'auberge? Oui. Oh, je ne souffrirai pas que les amis de mon frère lâchent à l'auberge. Oh, mais permettez. Non, non, monsieur, ça ne sera pas, je vous en prie. Je vous en conjure. Mais madame. Non, messieurs, vous logerez chez moi. Mon frère ne me pardonnerait pas d'avoir laissé ses amis à l'auberge. Je ne me le pardonnerai pas moi-même. Mais madame, nous vous gênerions. D'abord, vous ne me gênerez pas. C'est l'appartement de mon frère que vous occuperez. Il est charmant. C'est à lui seul qu'il est réservé. Il me sera bon gré de vous l'avoir offert et de vous avoir, pour ainsi dire, forcé à l'accepter. Mais non, non, voilà qui est entendu, messieurs. François, vous y serez libre, parfaitement libre. Comment? Enfin, vous serez chez vous. Ah. Oh, on est si mal dans ces auberges. François! Voilà par exemple ces politesses qui surprennent. Mille pardons, messieurs. Oui. Comment tu accepteras? Oh, tu sais que je ne peux pas rester dans cette maudite auberge en face de ce monsieur Vernon et de sa sœur. Voilà, madame. Allez vite ouvrir les volets et les croisées du petit appartement boisé. Oh, la vue en est délicieuse. Ah, oui. Sur la rivière et les jardins. Ah. Faites descendre un lit dans le petit cabinet. C'est la chambre que je destine à votre ami. Il y a la bibliothèque de mon frère, elle est très bien composée. Ayez soin de balayer et de nettoyer partout. Il y a des glaces, une toilette, des armoires, une commode. Oh. Rien n'y manque. Oui, madame. Bon, voilà des profits qui m'arrivent. Dépêchez-vous et voyez si ma fille a fini sa leçon. Monsieur, votre frère nous a beaucoup parlé de votre aimable fille. Oh, oui, son éloge est suspect dans ma bouche. Mais c'est vraiment une aimable enfant qui ne me donne que de la satisfaction. Mm-hmm. Ah, il est si doux pour une mère. Puisque vous exigez que nous logions chez vous, madame. Ah, nous nous brouillerons si vous résistez plus longtemps. Oh. Permettez-nous de retourner un instant à notre auberge. Mais pas du tout, je vais y envoyer François, il prendra vos effets. Et non, madame, non, non, non, madame, non, non, madame. C'est aussi pousser trop loin les attentions. Ne dérangez pas vos gens, j'ai moi-même quelques ordres à donner à mon valet. Vous le voulez ainsi? Nous osons l'exiger à notre tour. Je craindrais de me rendre importune en assistant. Allez donc, et hâtez-vous de revenir, oui, messieurs. Nous ne perdrons pas un instant. À votre retour, j'aurai l'honneur de vous présenter ma fille. Ah, nous brûlons d'admirer ses charmes. Nous revenons dans l'instant, madame. Oh, je vous en prie, je vous en conjure, messieurs. Flore! Serein. Il s'agit bien de mon serin. Voilà de bien plus grandes affaires. Écoutez-moi. voilà grande, en âge d'être mariée. Oui, ma mère. Je n'ai rien négligé pour votre éducation. Et vous ferez vraiment honneur à celui qui vous épousera. Oui, ma mère. Mais vous savez, et je vous l'ai souvent répété, que cette petite ville est un terrain ingrat pour les filles à marier. Plus originaux, de gens grossiers, plus imbéciles, de sots. Ne m'en fait plaisant. Ce n'est qu'à Paris qu'on peut établir comme il faut une demoiselle. J'avais projeté de vous envoyer passer quelque temps chez mon frère à Paris, et je ne doute pas que vous n'y eussiez trouvé plus d'un parti convenable. Oui, ma mère. Grâce au ciel, j'espère que vous n'aurez pas besoin de faire ce voyage. Mon frère est un homme charmant. Le voilà qui m'envoie, avec des lettres de recommandation, un jeune héritier de 30 000 livres de rente. De 30 000 livres de rente, ma mère? Il vient loger ici avec son ami. C'est un jeune homme très aimable. Il a de l'esprit, de connaissances, il aime la musique, et j'espère que vous aurez beaucoup d'inclination pour lui. Oui, ma mère. C'est à vous à développer devant lui toutes vos grâces, tous vos moyens de plaire, à faire briller votre esprit, votre conversation, vos talents, votre éducation. Oui, ma mère, mon éducation. Ils vont revenir. Il s'agit de faire en sorte que le premier coup d'œil soit à votre avantage. Eh, mais mon Dieu, comme vous voilà la fête. Je vous ai défendu de mettre du rouge excepté pour aller au bal. Mais quand on est aussi pâle, et d'ailleurs, quand c'est par les conseils de votre mère, il n'y a pas de mal. Attendez, une légère nuance sied si bien aux jeunes personnes. Oui, ma mère. Souvenez-vous bien, ma fille, que la décence, la pudeur et la modestie sont la plus belle parure d'une demoiselle. La meilleure dot qu'elle puisse apporter. Mais comme vous êtes engoncée dans votre corset, mettez-vous à la grecque, puisque c'est la mode. Dégagez un peu ce fichu. Et ne vous éloignez jamais des principes de vertu et de bon ton que vous avez reçus de votre mère. Votre clavecin est-il accordé? Mon Dieu, non, ma mère! Comment? Depuis 8 jours que nous attendons? Monsieur Spliman m'a bien promis qu'il viendrait demain matin. Bon, qu'il n'y manque pas. J'arrangerai un petit concert de société où j'inviterai tous nos amis. Ces deux jeunes gens feront leur partie avec monsieur Spliman et vous. Et François, qui commence à déchiffrer sur la clarinette, fera la sienne. Comment? Notre domestique, ma mère? Mon famille, cela passe. Et je ne me soucie pas d'inviter tous ces jeunes gens de l'orchestre et de la comédie de bienfaisance. Ils sont moqueurs et goguenards. Oh, j'entends nos deux aimables parisiens. Allons, mademoiselle, contenance agréable, modeste. Ne soyons pas honteuses et timides. Et sachez parler à propos. Oui, ma mère. Ah, vous voyez, chère madame, que nous ne nous sommes pas fait attendre. Vous n'avez encore tardé que trop longtemps, messieurs. Oh. Oui, trop longtemps. Notre Dubois va dans l'instant apporter tous nos effets. En vérité, madame, je rougis de l'embarras que nous allons vous causer. Oh, ne parlez donc pas de cela, je vous en prie, messieurs. Voulez-vous bien me permettre que je vous présente ma fille? Oh. Saluez, Flore. Mademoiselle. Enchantée. Messieurs. Lequel des deux, ma mère? Le plus jeune, celui qui est à côté de moi. C'est mon enfant unique. L'espérance de la bien établir a pu seule me consoler de la perte d'un époux, que je pleure tous les jours. Je n'ai rien négligé pour perfectionner son éducation. Mais vous sentez que dans une petite ville de province, on n'a pas les moyens. Elle est un peu timide, mais un cœur excellent, un esprit cultivé. Parlez donc. Oui, ma mère. Taisez-vous donc. Et c'est ainsi qu'on doit répondre. Mais ma mère, que voulez-vous que je dise? Paix. Mon frère me marque que vous aimez beaucoup la musique. Oui. Ma fille a une voix céleste, une méthode exquise. Si vous m'aviez fait l'amitié de venir avant dîner au dessert, je l'aurais fait chanter. Mais qu'importe, quoique nous ne soyons plus au dessert. Oh, nous serions enchantés d'entendre, mademoiselle. Oh, voilà toute confuse. C'est que vous l'intimidez, de messieurs de Paris. Et puis, elle a la malheureuse habitude de se faire beaucoup prier. Oh, s'il ne s'agit que de prier. Mademoiselle, nous vous conjurons, nous vous supplions. Vous n'avez pas besoin d'indulgence, j'en suis sûr, et je me joins à mon ami. C'est qu'en vérité, je n'ose. Osez, mademoiselle. Et je suis enrhumée, je crois. Mais qu'est-ce que vous dites donc? Vous avez toujours des rhumes qui vous prennent mal à propos. Mais ma mère, que chanterai-je? Ce qui vous plaira. Allons, tenez-vous droite et chantez. Je suis vraiment fort embarrassée. De fierté pour me soumettre à l'esclavage. Mais quelle chanson choisissez-vous donc là? Dans les liens de Marie. Bon Dieu, mais quelle horreur, mettez-vous donc! Paix, non, paix, je vous en prie! Comment? Vous avez trop de fierté pour vous marier? Est-ce qu'une demoiselle doit chanter de ces choses-là? Mais qu'est-ce que c'est donc cette chanson-là? Mais ma mère, c'est dans la belle Hortense. Mais votre belle Hortense est une bégueule. Et j'espère bien que vous ne suivrez pas son exemple. Et puis, c'est antique. Mais ma mère, que voulez-vous donc que je chante? Mais mademoiselle, on chante du nouveau. Par exemple, oui, sans défait, je me marie. Ou bien, il faut des épouses assorties. Ou bien, ah, que les nœuds du mariage, à mes yeux, offrent de douceur. Oh oui, mademoiselle, celle-là, elle est charmante et beaucoup plus analogue à la situation. Ah, que les nœuds du mariage, à mes yeux, offrent de douceur. L'amour est vif, il est volage, l'hymen seul fait le vrai bonheur. Oui, la volupté la plus pure, c'est l'union de deux époux. C'est dans l'hymen que la nature place ses plaisirs les plus doux. Comme un ange, bravo, bravo. Comme une sotte. Elle chante ordinairement mille fois mieux. Et puis, elle ne sait pas donner l'expression aux paroles. Oh, elles sont si tendres. Mais ma mère, ce n'est pas ma faute. Il m'a pris une extinction de voix dans la roulade. Mais ne grondez pas, mademoiselle. On ne chante pas plus agréablement. Oh, sans doute. Attends, je vais t'en dégoûter tout à fait. Mon ami, la voix de mademoiselle doit te plaire, car elle te rappelle sans doute, comme à moi, la voix d'une personne qui t'est bien chère, ne trouves-tu pas? Et de qui donc? Eh, mais vraiment de ta femme. De ma femme? De sa femme? Que de sa femme! Mais qu'est-ce que tu dis donc? Mais c'est le même timbre, le même éclat, la même étendue. Comment, monsieur, vous êtes marié? Qui? Moi, madame? Mais oui, madame, il est marié. Mais dis comme moi, une femme charmante. J'ai mes raisons pour agir ainsi. Mais il y a 6 mois qu'il a épousé une jeune veuve. Tu vas voir. Mais quoi? J'ai été un de ses témoins. En vérité, monsieur, je vous en fais mon sincère compliment et je suis charmée que vous ayez fait un choix. Laissez-nous, mademoiselle. Sens-tu le motif des politesses? Et quoi, nous priver si tôt de la vue de votre aimable fille? Je vous demande pardon, messieurs, mais elle a ses occupations, ses leçons. Mais ma mère, l'autre n'est peut-être pas mariée. Qu'est-ce que vous dites, impertinente? Sortez, vous dis-je. Ma mère, faudra-t-il prévenir monsieur Spliman pour le concert de demain? Un concert, y pensez-vous? Mais ça, c'est dans des concerts quand tout le monde est en vendange. Messieurs, je vais bien la mettre. Messieurs. En vérité, on n'est pas plus jolie que votre demoiselle. Oh, vous êtes trop bon, messieurs. Qu'est-ce qu'une petite provinciale auprès de vos dames de Paris? Mais mon Dieu, je pense à une chose. Je vous ai proposé indiscrètement un appartement chez moi. Je n'ai pas réfléchi que cet appartement est petit, incommode. Qu'est-ce que vous dites donc, madame? Une vue sur des jardins, sur la rivière, une bibliothèque, des glaces, une armoire, une commode. Oui, mais une seule chambre, avec un cabinet. Et qu'importe, madame, 2 amis, nous y serons fort à notre aise. Il n'y aurait que le cas où mon ami ferait venir sa femme, comme il en avait le projet. Alors vous sentez que, malgré toute ma bonne volonté, je ne pourrais pas offrir à madame quelque chose qui fût digne. Cela s'entend à merveille. Oui? N'est-ce pas ici que demeure madame Guibert? Oui, mon ami, c'est ici. Ah, messieurs, c'est vous. Voilà tous vos effets que j'apporte. Madame, voulez-vous bien m'indiquer l'appartement de ces messieurs? Tout à l'heure, mon ami. François va vous conduire. Oh, mon Dieu, messieurs. Mais qu'avez-vous donc, madame? Vous paraissez fort intriguée. Oh, je suis en effet fort en peine. C'est François, mon domestique, qui, pendant que vous étiez à votre auberge, m'a appris que cet appartement était encore embarrassé. En attendant que vous soyez décidé, ma foi, je vais me reposer. Non, non, mon ami, ne quittez pas votre fardeau, parce que tout à l'heure, il faudra probablement... Mais enfin, madame, je... Non, mais je vais mettre ordre à tout cela, et c'est vous qui l'occuperez. Me voilà, madame. Eh bien, l'appartement de ces messieurs est-il prêt? Pas encore, madame. Pas encore. Concevez-vous un pareil obstacle? Le voisin Giraud s'obstine donc toujours à me laisser son dépôt de marchandises? Le voisin Giraud, son dépôt de marchandises? Voilà comment on est dupe de sa complaisance. Me sachant cet appartement vacant, il me l'avait emprunté parce qu'il n'a pas de magasin. Ah. Et voilà que maintenant, il lui faut 4 jours pour déménager. N'est-ce pas? Lorsque tu m'as dit? Naturellement, 4 jours. Oui, madame, 4 jours. Et voilà ce que je vous ai dit. Adieu, mes profits. Mais je n'entends pas ça, c'est bien le moins qu'on soit le maître chez soi. Et je vais... Oh, point du tout, madame, et nous ne souffrirons pas. Oh, mais c'est que je serais désespérée. Eh, mon Dieu, madame, il ne faut pas vous désespérer pour si peu de choses. Bonjour, ma chère madame Guibert. Il y a un siècle en vérité que je ne vous ai vue, ma toute belle. C'est madame Senneville. Nos deux aimables voyageurs ici. Je m'attendais à les trouver. Voilà. Et votre charmante fille, où est-elle donc que je l'embrasse? On sait déjà dans la ville que c'est chez vous que ces deux messieurs-là. Ah ça, je viens vous engager à dîner pour demain, sans préjudice de l'assemblée à laquelle je vous attends ce soir. Vous m'amènerez votre chère Flore. Nous deux aimables hôtes m'ont promis. Oui, je sais tout. Vous les avez enlevés de vive force de leur auberge, pour ainsi dire. Je vous reconnais là. Vous poussez la courtoisie et la politesse au dernier degré. Vous êtes trop bonne. Je suis bien loin de mériter vos éloges. Que dites-vous donc là, bon Dieu, ma chère? C'est que les moyens d'exécution ne répondent pas tout à fait aux bonnes intentions de madame. Comment donc? Je m'étais flattée, en effet, de pouvoir loger ces messieurs. Et vous ne le pouvez pas? Non, madame. Le voisin Giraud, un dépôt de marchandises... Ça m'afflige à un point que je ne puis exprimer. Oh, il ne faut pas du tout que cela vous afflige, madame. Nous allons chercher une autre auberge. Oui, Dubois, remporte ses malles. Arrêtez, mon ami. Je suis persuadée de la réalité de l'obstacle qui empêche ma hâte de vous loger. J'espère, madame, que personne ne s'avisera de soupçonner qu'il soit supposé. Oh, personne, madame. Et moi, moins que tout autre. Mais permettez-moi de me féliciter de cet accident. Il me donne l'occasion de réparer un manque de civilité dont mon oncle ne cesse de me faire la guerre depuis ce matin. Oh. Que voulez-vous dire? Que c'est chez moi, messieurs, qu'il faut accepter un logement. Oh, merveille! On nous chasse d'un côté, on nous recueille de l'autre. Oui, messieurs, chez moi. C'est mon oncle, Ambroise Senneville, le camarade, l'ami du vôtre, qui se joint à moi pour vous en prier. Oh. Vous m'en voulez pas, Maham, de chercher à réparer ce que vous n'avez pu exécuter vous-même. Oui, moi, vous en vouloir, madame. Oh, ce serait bien mal me connaître. L'impertinente. Mais madame, je ne sais si je dois accepter. Je n'ai ni voisin, ni dépôt de marchandises, et je me fâcherais si vous hésitiez. Oh, mon ami, qu'as-tu à opposer aux prières d'une jolie femme? Mais... Rien, rien. Il est trop galant pour cela, n'est-il pas vrai? Dubois, mon ami, portez toutes ces malles chez moi. Faites-moi indiquer ma demeure, elle est à deux pas. Ma femme de chambre vous montrera l'appartement de vos maîtres. Mon domestique va vous conduire, mon ami, si madame le permet. Consentez-vous, madame, vous êtes trop bonne. Alors, voilà des malles qui se seront bien promenées dans la ville aujourd'hui. Eh bien, monsieur Desroches, où êtes-vous avec monsieur Vernon et sa céleste sœur? Comment, madame, vous savez? Quoi donc? Une aventure! Une erreur assez plaisante de monsieur. Mais qui vous a appris? 20 personnes. Monsieur Vernon l'a dit à son avocat, l'avocat au procureur, le procureur à l'huissier, l'huissier à son clerc, qu'il a raconté à ma femme de chambre, dont il est amoureux. Tu vois, mon ami, comme on est sûr du secret dans une petite ville. Oh, mon Dieu, pourvu qu'il n'aille pas raconter ce qui s'est passé ici. Que pourrait-on dire, madame, qu'il fut prêt à votre avantage? D'ailleurs, en personne prudente, ne vous êtes-vous pas mise depuis longtemps au-dessus du propos des méchants? C'est une science que d'autres connaissent beaucoup mieux que moi, madame. C'est difficile, madame. Oui, de grâce, mesdames. Non, non. Elle est toujours à me lancer des mots malins. Mais nous nous piquons ainsi sans nous brouiller. N'est-il pas vrai, madame? Oh, sans doute, madame. Je ne peux pas sentir cette femme-là. Elle affecte surtout mon air de supériorité qui est insupportable. La pauvre chère femme, comme elle s'enflamme. Madame, je viens de conduire à votre porte le valet de ces messieurs. Ne voilà-t-il pas mademoiselle Lucille qui ne veut pas absolument laisser entrer tous ses effets? Que dites-vous donc là? Mais mademoiselle Lucille est inimaginable. Vous verrez que nous n'allons pas encore nous fixer là. Pardonnez-moi, messieurs, je vais laver la tête à ma femme de chambre. Oh. Venez avec moi, donnez-moi la main, monsieur Desroches. Mmh. Pardon, ma chère madame, de vous les enlever si promptement, mais il le faut, vous voyez. Vous ne tarderez pas à venir, ma chère. Je vous attends ce soir et demain à dîner avec votre aimable fille. N'y manquez pas. Croyez, madame, que nous partons plein de reconnaissance des politesses dont vous nous avez comblés. Vous nous avez trop bien reçus pour que nous ne nous empressions pas de revenir vous voir. Oh non, messieurs, mais je vous en prie, revenez me voir, vous serez toujours les bienvenus. François, quand ces gens-là reviendront, ne manquez pas de dire que je n'y suis pas. Oui, madame. Acte quatrième. Une place. Dans le fond, la maison de madame Senneville. Sur un côté, la maison de monsieur Riflard. Il fait nuit. Comment, madame? Il y a une heure que je vous fais des signes et vous avez l'air de ne pas m'entendre. Vous êtes une tyrannie. Pouvais-je quitter mademoiselle Romival qui me racontait la maladie du petit Carlin que je m'ai donné? Comme voulez-vous, monsieur? Pourquoi me faire quitter la société, le jeu? Mme Guibert, mademoiselle Vernon vont s'égayer sur notre absence. Savez-vous que je suis très mécontent? Pourquoi loger chez vous ces deux Parisiens? C'est pour ainsi dire à vous que je dois leur connaissance. Je ne m'attendais pas que ce petit Desroches se permettrait d'aller sur les brisées d'un homme comme moi. Je m'attendais encore moins que madame Senneville, une femme que j'estime, que j'aime, que j'ai su distinguer, se permettrait d'écouter les propos et les fadeurs d'un étranger. Reprenez-vous, s'il vous plaît. Enfin, de quel droit me parlez-vous ainsi? Au point où nous en sommes, quand je n'attendais que la fin de mes vendanges, quand j'ai l'aveu de votre oncle et le vôtre, il m'est bien permis, madame, de parler en mari. C'est en ami, d'ailleurs, que je parle. Vous vous perdez. Avez-vous remarqué les chuchoteries, les ricanements, les mots à double entente, les regards malins de toute la société? Quant à moi, j'ai le malheur d'être très violent. Je n'ai pas voulu causer de scandale, mais j'ai su ce que j'avais à faire. Et Monsieur Desroches aura de mes nouvelles dès ce soir. Oh, mon Dieu, vous me faites trembler. Ce n'est rien, madame, rien du tout. Une petite précaution que j'ai prise. Revenons à vous. Si vous avez le moindre soin de votre gloire, si vous tenez un établissement qui nous convient à tous deux, il faut absolument que ces jeunes gens ne logent pas chez vous ce soir. Chez vous? Mais mon oncle... Votre oncle a eu beaucoup d'humeur en les voyant arriver. Monsieur Vernon, qui fait de lui ce qu'il veut en se laissant gagner au piquet, lui a déjà parlé. Madame Guibert, que votre oncle a intérêt de ménager puisqu'elle est sa cousine au sixième degré, lui a fait sentir toute l'horreur de la conduite de ce petit écervelé. Son ami ne vaut pas mieux, c'est un sournois. Qui fait l'homme d'esprit. Et je n'aime pas qu'on prenne ces airs-là avec moi. Allons, vous êtes tous ligués contre lui, ce pauvre jeune homme. Et vous voulez que je sois ainsi, à la bonne heure? En vérité, cela ne me donne pas une bonne idée de votre caractère. Oh, croyez, belle dame, que c'est l'intérêt que je vous porte. La raison, vous ne me refuserez pas un sacrifice vraiment nécessaire. Et sur les autres points, vous le savez, je me laisse mener comme un enfant. Mais j'exige, au nom du plus tendre amour... Prenez le regard. Voici Monsieur Vernon. Ah, vous voilà. Oh, j'étais sûr de vous trouver ensemble. Mais ne craignez rien, mon intention n'est pas de vous causer la moindre peine. Soyons divisés, ennemis entre nous, c'est fort bien. Mais unissons-nous contre les étrangers qui viennent se mêler à nos débats. Enfin, nous sommes chez nous. Et ce petit monsieur... Oh, je viens vous avertir d'un petit incident qui se prépare. Ah. Il n'y aura pas d'esclandre. Mais toute la société est au fait. Quand tout le monde sera retiré, votre oncle est absolument décidé à éconduire poliment ces deux voyageurs qui ne sont pas faits pour être admis dans une société délicate, véritablement. Vous ont-ils donc fait, ces pauvres jeunes gens? Comment, madame? Ils sont reçus, admis, fêtés chez madame Guibert, qui est une personne fort ridicule sans doute. Enfin, il ne s'agit pas de ça présentement. Et ils se permettent de se moquer d'elle. Ils supposent je ne sais quel mariage. Convenez que ce prétendu mariage est fort gai. Et que madame Guibert mérite fort bien. Oui, c'est fort gai. Mais voulez-vous que je sois leur jouet, à mon tour? Nous avons des mœurs dans notre ville. Et nous devons être jaloux de conserver notre réputation. Mais cet autre qui fait le railleur. N'y a-t-il pas dans l'auberge de la Poste une belle dame qui se cache à tout le monde et qui a des entretiens avec lui? Mais mon Dieu, oui! Cela se sait déjà dans toute la ville. Et fut donc deux libertins, deux mauvais sujets. Je ne parle pas de la conduite qu'ils ont tenue avec ma sœur et avec moi. Oh, c'est une horreur. Mademoiselle Vernon est une si bonne personne. Et j'aimerais tant à la voir heureuse. Oh, ma sœur est une folle. Enfin, cependant, pour cet article, soyez tranquille. Je ne m'endors pas. Je suis en règle. Et dès ce soir... Mais comment, madame? Vous balancez? Décidez-vous. Or, s'il loge chez vous ce soir, songez-y. Vous ne m'en virez plus. Petit despote. Oh. Vous voulez que je vous le sacrifie, je le vois. Il faut donc absolument que je prenne un parti. Eh bien, cela me coûte. Je voudrais en vain le dissimuler. Ah, vous êtes si bonne. Chut, voilà l'ami qui s'avance. En vérité, madame, rien n'est aimable comme votre réunion. Je vous fais compliment, messieurs, sur le bon ton qui règne dans votre société. Ce n'est que dans votre ville qu'on trouve cette aménité, ce bon accord, cette indulgence réciproque, et surtout cette hospitalité tant vantée chez les anciens. Nous nous faisons un devoir, monsieur, de bien accueillir les étrangers qui le méritent. Oui, sans doute. Et nous savons aussi comment nous devons nous conduire avec ceux qui ne viennent dans notre endroit que pour se moquer de nous. Et vous faites parfaitement bien. Bon. Il se machine encore quelque chose contre nous. Mais il se fait tard. Il est temps, je crois, de se retirer. Ah, voilà le reste de la société qui sort de chez madame. Ah, enfin, je vous assure, mademoiselle, que je vous avais donné deux fiches. Je m'en souviens parfaitement. Oh, je puis vous certifier, madame, que c'est vous qui avez oublié de me les donner. Le coup était assez important. Il y avait longtemps que je l'attendais. J'étais si contente quand je l'aperçus. Je ne craignais pas qu'on me l'enlevât. J'étais tout en cœur. Ah, encore quelques extravagances. De qui parlez-vous, là, s'il vous plaît? De Quinola, mon frère. Oh, passe pour Quinola. Et quoi, madame, vous vous retirez si tôt? Si tôt? Il est 8h30 tout à l'heure. Je ne veux pas être importune. Vous me permettrez de retourner auprès de mon oncle. Adieu, belle dame. Croyez certainement... Prenez garde, on vous épie. Votre présentable servante, mesdames. À demain, à 3 heures précises, je vous en prie. Voudriez-vous accepter mon bras jusque chez vous, madame? Je vous rends grâce, monsieur. Nous demeurons à 2 pas, je n'ai besoin du bras de personne. Passez devant nous, François. Bien, madame. Et vous, mademoiselle, prenez garde à la manière dont vous marchez, je vous prie. Oui, ma mère. Votre très humble servante, mademoiselle Vernon. Soyez certaine que je vous ai donné 2 fiches. Oui, mais puisque madame vous le dit, il faut bien que cela soit. En vérité, on n'a pas plus de guignon que moi. Encore 50 fiches que je perds. Sans compter les cartes que l'on paie fort cher, par parenthèse, chez madame Senneville. Mais pourquoi joues-tu? Adieu, messieurs. Je suis enchantée que vous soyez aussi bien dédommagés et qu'aucun obstacle n'empêche madame Senneville de vous donner l'asile et les soins que j'ai été forcée de vous refuser. Madame Guibert disparaît avec sa fille et François. Allons, adieu, messieurs. Vous voilà logés irrévocablement. Suzanne, éclairez-nous. Monsieur Vernon et sa sœur s'éloignent à leur tour. Bonsoir, messieurs. Nous reverrons. Monsieur Riflard rentre chez lui. Ils ont l'air de se moquer de moi. Eh bien, monsieur Vernon te déteste, madame Guibert raille, monsieur Riflard te menace. Comment te trouves-tu du séjour de cette ville? Oh, assez mal jusqu'ici. Il a fallu m'ennuyer toute la soirée à écouter tous les vieux contes de l'oncle de madame Senneville. Après 3 mortelles parties de trictrac, 3 vieilles femmes s'emparent de moi pour me faire faire un éternel reversis. Et pour m'achever, voilà qu'on me fait jouer à des petits jeux avec un troupeau d'enfants. Et as-tu remarqué comment on se parlait bas, comme on nous regardait? Ah, mais en effet, nous avions l'air de 2 personnages extraordinaires. Mais c'est égal, c'est une ville fort agréable. L'air y est bon, les promenades y sont délicieuses. Et le sang y est superbe. Eh bien, moque-toi de moi tant que tu voudras. Je ne suis pas fâché de m'y être arrêté. Oui, oui, malgré mademoiselle Vernon, mademoiselle Guibert, il suffit que madame Senneville habite ce pays et que nous logions chez elle. Nous nous sommes promenés dans le jardin avant la nuit. Assez tard même, il a fallu vous appeler. C'est elle qui, en regagnant la maison, m'a recommandé de faire la partie de son oncle. Preuve que tu es aimé de la nièce. Tu conviendras qu'elle est bien faite pour me dédommager de tout l'ennui. Et tous tes rivaux, Riflard, Vernon. Oh, elle n'a jamais pensé à Riflard, à Vernon, à personne. Elle me l'a juré. Oh, dès qu'elle te l'a juré, je n'en crois pas un mot. Oh, te voilà toujours cherchant à me contrarier. Allons, ne te fâche pas. Dès que tu le veux, l'oncle est fort amusant, la nièce fort vertueuse. Il n'est pas question de vertu. Ne perds pas un temps précieux. Ne rentres-tu pas avec moi? Non. On ne soupe pas encore. Je vais profiter du moment pour une course, une visite que j'ai à faire. À cette heure? Dans une ville que tu ne connais pas? Il faut donc que ta conquête t'occupe beaucoup. Au surplus, entière liberté, je rentre. Bonne chance dans vos amours, monsieur Delisle. Bonne chance dans les vôtres, monsieur Desroches. Dubois paraît chargé de toutes les malles. Eh bien, Dubois, où vas-tu donc avec toutes ces malles? Que signifie cet équipage? Cela signifie, monsieur, qu'il faut encore que nous déménagions. Comment? Je m'en doutais. Comment, que veux-tu dire? La femme de chambre vient de me charger poliment de tout notre bagage. Et voilà un billet de madame Senneville qui vous expliquera. Un billet? Lisons. Il eût été bien doux pour mon oncle et pour moi, monsieur, de pouvoir vous rendre l'accueil favorable que vos parents m'ont fait à Paris. Mais cela me devient absolument impossible. Ah. Le soin de ma réputation ne me permet pas de vous garder plus longtemps dans ma maison. Agrée, je vous prie mes excuses et mes regrets. Oh! Le soin de sa réputation. En voici bien un autre. Ce n'est pas tout, monsieur. Voici une lettre qu'un homme d'assez mauvaise tournure m'a remise pour vous. Pour moi? Mais... Et de quelle part? Voyons, lis. J'ai cru remarquer que vous regardiez tendrement madame Senneville. J'ai déjà donné quelques leçons aux jeunes étrangers qui se permettaient en passant dans notre ville d'aller sur mes brisées. Et l'intérêt que vous m'avez inspiré ne me permet pas de retarder plus longtemps celle dont vous avez besoin. Je vous attends demain au lever du soleil derrière le petit rempart. J'aurai mon épée et mes pistolets. J'espère que vous me ferez l'honneur de venir m'y trouver François Riflard, l'impertinent. Ah, j'irai certainement et c'est moi qui lui donnerai, j'espère, une leçon dont il se souviendra. Ah. Mais tu conviendras qu'il est fort désagréable d'aller se couper la gorge pour une femme qui me chasse de chez elle. Tenez, monsieur. Encore? Et d'où vient celui-là? C'est un homme noir qui l'a apporté. Ah. Voyons. L'an 1801. J'ai Christophe Hyacinthe de Bonalloy, huissier sous-signé à la requête de mademoiselle Augustine Catherine, dite Nina Vernon, fille majeure et nubile. C'est la sommation de monsieur Vernon. Mais c'est un enfer que cette petite ville. C'est l'asile du bonheur et de la vertu. Tu n'as plus rien à me remettre, Dubois. Je crois qu'en voilà bien assez comme cela. Oh, fort bien. Nous voilà dans la rue à présent. Pourquoi as-tu quitté Paris? Oh, madame Belmont, pourquoi m'avez-vous trahi? Il s'assied sur un banc de pierre et paraît plongé dans la mélancolie. À merveille, il est à nous. Monsieur, voilà champagne, le vieux valet de votre cousine. Occupe des roches de ton mieux pour me laisser causer avec toi. Oh, monsieur, monsieur Delisle, madame se désole, elle sait toutes les aventures de monsieur Desroches, elle veut partir cette nuit même, j'ai eu toutes les peines du monde à la décider à venir vous faire ses adieux. Hâtez-vous de la rejoindre. Non, l'idée est excellente. Profitons de la circonstance, tâche d'amener madame Belmont de ce côté. C'est difficile, mais j'y vais. Oh, mais pour comble de disgrâce, je ne peux pas partir. Il faut que je me trouve au rendez-vous de monsieur Rifla. Eh oui. Eh bien, Dubois, que fais-tu là? Va nous chercher une auberge. Bien, monsieur, j'y vais. Demain matin, je cours donner une leçon d'art à Riflard, une leçon de procédé à Vernon et j'échappe aux bavards, aux plaideurs, aux Agnès, aux coquettes, au diable qui me poursuit dans ce maudit pays, en partant à l'instant pour Paris. Demain matin, je te sers de témoin et je te souhaite un bon voyage. Comment bon voyage? Ne pars-tu pas avec moi? J'aime cette ville et j'y reste. Tu m'en disais tant de mal et tu restes? Tu m'en disais tant de bien et tu pars. Mais qui peut te retenir? Ne puis-je changer de façon de penser comme toi? Serait-ce par aventure cette belle mystérieuse? Peut-être. Ah, oh, mon ami, elle te trompe. Elle n'est pas de ce pays. Mais qu'importe, partout les femmes sont les mêmes. Quoi qu'il en ait plus d'une... Oh oui, juge-en par mes aventures. J'ai pensé comme toi. Madame Belmont m'a trop désabusé. Ah, c'est celle-là pour la perfidie mais le plus douloureuse. La voilà, monsieur Delisle. Je suis à toi dans l'instant. Mon cher Desroches, je cours à mon rendez-vous. Dans tous les cas, dis à Dubois de m'attendre à cette place. Ne tarde pas, je t'en prie. Non, non. Ah, il est bien heureux, cette femme mystérieuse a vraiment une jolie tournure. Et qui me rappelle... Oh. Mais il me semble voir une femme dans l'obscurité. Est-ce vous Delisle? Oh, on l'appelle Delisle. Serait-ce par aventure cette belle voilée? Pensez-vous encore excuser votre indigne ami? Ciel! Quelle voix! J'ai eu la faiblesse de suivre vos conseils, de marcher sur vos traces. Pourquoi? Pour être témoin de toutes ces inconséquences. Madame Belmont qui m'a suivi, qui m'aime encore. Oh, malheureux, qu'ai-je fait? Et que me reproche-t-il? Je vous ai dit comment il avait été trompé par les apparences. Vous savez que ce jeune officier, cet inconnu qui lui a causé tant d'ombrage, était mon frère, arrivé la veille de l'armée. Votre frère? Qu'entends-je? Que vois-je? Desroches! Oh. Lui-même, madame, qui reconnaît ses torts. Le voilà entièrement corrigé. Pardonnez-lui et partons. Mais mon rendez-vous avec Riflard... Eh bien, c'est une affaire qu'il faut terminer tout de suite. Il va frapper à la porte de Riflard. Monsieur Riflard! Monsieur Riflard! Un mot, s'il vous plaît. Il ne peut pas être encore couché. Et qu'allez-vous faire? Je tremble! Qui frappe? Ah, monsieur, c'est vous. Allons, monsieur Riflard, vous voulez vous battre avec Desroches? Descendez, il vous attend. Qu'est-ce que vous dites donc? Je ne me bats jamais au soleil couché. On risque de s'estropier. Lisez le cartel, c'est pour demain. Cela ne se peut pas. Monsieur retourne à Paris pour épouser madame. Les chevaux sont mis, nous partons. Vous partez? Il épouse madame? Il y a un moyen de s'arranger. Je descends. Ah, j'en étais sûr. Monsieur! Il faut absolument que nous couchions à la Belle Étoile. Pas un coin dans une auberge. C'est demain le premier jour de la foire. À merveille, nous partirons plus tôt. Ah, permettez, vous vous mariez, vous partez. Je n'en veux qu'aux célibataires. Je respecte les maris et je vous fais mon sincère compliment. Monsieur Riflard, vous êtes la première personne de cette ville à qui nous ayons parlé. Soyez la dernière et chargez-vous de nos adieux pour tout le monde. Soyez heureux avec Madame Senneville. Dites à Madame Guibert que sa fille a trop de talent pour ne pas trouver bientôt un mari. Conseillez à Mademoiselle Vernon de se faire dévote ou bel esprit. Et conservez toujours cette urbanité, cet esprit sociable et galant qui distingue votre endroit. Votre très humble serviteur. Je m'en suis galamment tiré. Nous nous sommes tous bien conduits. Et voilà deux Parisiens qui emportent une bonne idée de notre petite ville. Vous venez d'entendre La Petite Ville, comédie en quatre actes de Louis-Benoît Picard, avec la distribution suivante. Messieurs Robert Manuel Dubois, Maurice Portera, Monsieur Vernon, Marco Béard, Monsieur Riflard, Jean Pia, Desroches, Teddy Billis, Champagne, Michel Galabru, François, Gilbert Guiraud, Delisle. Mesdames Micheline Boudet, Flore, Yvonne Godot, Madame Belmont, André de Chauvron, Madame Senneville, Suzanne Nivette, Madame Guibert, Denise Jans, Nina Vernon, Denise Pezzani, la récitante. Ainsi s'achève notre matinée classique, donnée avec le concours de la Société des comédiens français, sous la direction artistique de Jacques Régnier. Matinée au cours de laquelle vous avez pu entendre successivement Les Sept contre Thèbes d'Eschyle, dans une adaptation nouvelle de M. François de Roux, et La Petite Ville, comédie en quatre actes de Louis-Benoît Picard.